later, bitches. Bitches. C'est toute l'équipe de Loving Fun qui va débarquer. Il y a déjà mon Cassim, il y a déjà Doc aussi. Ah ouais. Beau Doc en plus ce soir avec sa barbe et tout là. Oh, gosse. Joué petit lot et puis on est en train de parler avec nous. Meuf pète un peu quoi. Et on est en train de parler des fois, on a rencontré nos potes, nos meilleurs potes de manière un petit peu originale. Je vous parlais de Caroline et je vous disais que c'est une belle histoire. Et c'est le moment de l'accueillir. Bonsoir Caro. Bonsoir à toi, bonsoir Marion, bonsoir bonne... tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue mon chat, merci beaucoup déjà d'avoir appelé, c'est cool comme ça, t'étais chez toi, tu te dis tiens je vais raconter mon histoire, j'appelle le standard et bim, te voilà avec nous. Mais quand j'ai entendu le sujet, j'ai tout de suite pensé par rapport à mon histoire. Ah raconte, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et en fait, il y a 23 ans, j'ai rencontré mon meilleur ami grâce à Fun Radio. Waouh. Donc voilà, c'est l'émission de Loving Fun. Ouais. Donc voilà, j'avais 13 ans. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Mais par contre, le petit truc, c'est qu'on ne s'est jamais vu. Ah, c'est génial, c'est énorme. Mais attends, incroyable. Mais c'est Love in Fun qui vous avait mis à l'époque en contact parce que, genre, c'était quoi? Pour un sujet. Ah, cool. Voilà. Et puis, en fait, il n'avait pas donné mon numéro, mais moi, j'avais le sien. Ouais. Et puis, un jour, j'ai dit, bon. J'appelle et puis voilà, ben maintenant ça fait 23 ans qu'on communique, donc photos, appels, je connais toute sa vie, il connaît toute ma vie, donc on s'appelle pratiquement toutes les semaines. Mais attends, Caro, mais comment ça se fait que vous n'avez jamais pris le temps de vous rencontrer ouais, parce, que... Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais dans le sud et voilà, j'étais un peu plus jeune que lui, donc voilà, ça s'est jamais fait. Ouais. Et puis maintenant, ben, c'est que monsieur vit au Canada, voilà. Mais t'as jamais voulu tout quitter et partir le rejoindre. Elle est pas amoureuse. Un pote. On en parle, hein, je veux dire, des fois. Ah, mais oui, je suis con, ça. Tout, et puis, tu quittes tout et tu me rejoins, mais avec ma vie actuelle, avec ma fille et tout, c'est pas possible. Donc, mais je sais qu'un jour ou un autre, on en parle de plus en plus. Je pense que l'année prochaine, on va essayer de se voir. C'est beau. Ouais, franchement, c'est hyper cool. Et je sais qu'il y a des auditrices aussi qui se sont rencontrées grâce au night show. Il y a la petite Fanny, la petite Laura, avec qui on parle souvent. Elles sont copines depuis la première saison du night show. Et ça on fait 4 ans qu'elles sont copines. Ouais, en revanche, elles se sont rencontrées 2 ou 3 fois déjà. Ah, bah, c'est cool. Non, on s'est jamais vu. Donc, voilà. Donc, du coup, par contre, voilà, je sais qu'il fait partie de ma vie. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un, voilà, il est là, il est présent et il faut l'accepter. Voilà. Énorme. Et merci Fun Radio. Ouais, franchement. Voilà. Mais franchement, énorme merci à vous parce que franchement, sans vous, je l'aurais jamais rencontré. Oh, burn. Oh. Et c'est vrai que c'est facile en plus pour vous de vous mettre en contact parce qu'on est sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous répondre entre vous. Enfin, c'est cool quand il y a des petits liens qui se créent comme ça entre auditeurs. Nous, on aime bien et on est ravis pour toi, Caro. Il s'appelle comment ce mec? Arnaud. Je l'embrasse. Je sais pas s'il m'écoute, mais il y a décalage horaire. Ouais. Mais voilà. Donc, du coup, c'est top. Eh ben, Arnaud, on t'embrasse et tu vas te bouger le fionfion pour acheter les billets d'avion à Caro. Merde. Allez hop. Ben, j'espère bien, c'est ça que je veux maintenant pour gagner un peu d'argent pour partir au Canada. Donc, je me dis au moins, ça serait le beau cadeau de Fun. Donc, j'attends. Eh bien, écoute, mon chat, merci pour cette histoire. On vous embrasse tous les deux. Tiens-nous au courant. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, bisous, Caro. Au revoir. Bisous. Bisous. Bisous. C'est le Caro fidèle en amitié, fidèle à Fun Radio, fidèle comme l'ami fidèle. Ouais. Et justement, elle parlait de Love in Fun, hein, qui lui a permis il y a 23 ans de faire cette rencontre. Et ben, ils viennent d'arriver. Équipe de Love in Fun. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais c'est toujours le même concept, hein. Ils sont là. Bonsoir, Karel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Doc. C'est vrai qu'il y a barbe bien taillée ce soir, Doc. Ah oui. Ouais, elle est jolie. Il faut la rafraîchir. Et bonsoir, Alice. Bonsoir. Ils vont bien, ils sont en forme ? Bah ouais, oui. Carrément, jeudi soir, dernière de la semaine, grosse émission en prévision, pas mal de choses qui vont se passer encore ce soir, et puis on attend tous les auditeurs, les auditrices, au 01 42 48 5000, si vous êtes célibataire, appelez-nous. Avant de vous laisser bien vivre votre vie, hein, finalement, tel des gens autonomes, Thibaut à l'arrière avait une question pour Doc. Ouais, alors c'est une vraie question. Quand j'étais au lycée, il y avait un mec dans ma classe, son père était médecin, et il m'avait dit un truc. Il m'avait dit, en fait, l'hiver, il faut éviter de se masturber, parce qu'il faut garder donc les testicules pleines de sperme, parce que ça nous empêche de tomber malade. En gros, le corps est plus fort quand les testicules sont pleines de sperme. Ça fait une semaine que j'en peux plus, donc il faut me dire oui ou non, là. Non, tu peux te branler tranquille. Mais c'est vrai, c'est complètement con, cette théorie. Mais si, ce mec-là, il a dit ça à son fils pour qu'il il se masturbe pas, quoi. Oui, c'est ça. Certainement, c'était. Mais oui, n'importe quoi. Juste un peu de science dans l'ordre moral. D'accord. Qu'est-ce qu'il est naïf, ce Thibaut. Ah ouais. Je croyais, je suis sûr, ça fait 3 jours, j'en peux plus. Ah, mais il est con comme une bite. Eh ben, merci, Doc, d'avoir rétabli les choses, en tout cas. Tout va merci. Mieux. On vous laisse les chatons en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Restez avec eux. Nous, on se retrouvera dimanche en direct dès 20h sur Fun Radio. On vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi soir et ça fait plaisir d'être là. Oh, c'était une belle journée là aujourd'hui. Ouais, vraiment, on s'est marré toute la journée. J'aime autant vous dire que quand on passe une journée de déconne comme ça, ça sent bon pour la soirée. À commencer par Doc, ça va Doc ? Oui, très bien. Bon, j'ai passé un long moment avec vous. Mais oui, oui, c'est bien. On a profité et tout pour souder les liens. Voilà, on a fait pipi ensemble. tu m'as montré ta teub. Enfin voilà, on s'est comparé. Voilà, c'est des petits échanges comme ça de la vie quotidienne qui font que voilà, on est content de vous retrouver. Ah oui, parce qu'on est on est tous bien les uns avec les autres et on est forcément bien avec vous. Qu'allez pouvoir nous appeler au 01 42 48 5000. Vous savez que dans cette équipe, il y a une grande gueule. C'est Alice. Alice, comment ça va Alice ? Bah ça va très bien. Je suis en train de lire tous les messages des auditeurs qui arrivent sur l'Insta Story de Love in Fun parce qu'on vous a mis un petit message pour vous inscrire aux 48 heures Love in Fun. Donc c'est très simple. Vous envoyez votre ville et votre numéro de téléphone pour participer au tirage au sort et puis on va débarquer bientôt pendant tout un week-end dans votre ville à faire des activités quoi. Bah voilà, à faire des activités nombreuses et variées. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai, vous passez un moment privilégié avec toute l'équipe et nous on vous régale. Hein. Franchement, avec la chambre d'hôtel, on va se faire un bel hôtel. Je vous le dis, on va se faire vraiment un bel hôtel, donc n'hésitez pas, vous venez avec la personne de votre choix, ça peut être votre mec, ça peut être ben voilà, un pote, grave, votre meuf. On débarque chez vous, hein, sur l'Instagram de Love in Fun, oui. N'hésitez pas, ça se passe là-bas. Il y a Alison aussi qui nous rejoint. Alison, elle a 19 ans, elle nous appelle de la Belgique. Bonsoir Alison. Salut Karel, salut Alaïs et salut le doc. Salut. Comment ça va Alison? Ça va super bien, vous? Bah ouais, carrément. Alors, tu nous écoutes de la Belgique? C'est ça, tout à fait. Ça fait plaisir. Donc, funradio.fr, c'est ça? Ou l'application Fun Radio sur le téléphone? L'application. Ouais, l'application sur mon téléphone. D'accord. Et alors, t'écoutes l'émission depuis combien de temps, toi, Alison? Je t'écoutais déjà depuis Carrel Libre Antenne, donc depuis très longtemps. Ah bah oui, il y a 2 ans. Hein, bien sûr. Non mais et alors ça c'est cool, Alison, merci beaucoup franchement de ta fidélité à Fun Radio. Déjà ça c'est le premier point. Il va se passer plein de choses dans l'émission. Tu sais que c'est, on fait une émission de Libre Antenne. Hein. Ici vous venez poser des questions, vous profitez également parce qu'il y a un médecin qui est sexologue, c'est Doc bien sûr. Et puis on s'éclate hein, tous ensemble hein, tous les soirs. C'est vraiment vous qui faites cette émission. Alison, t'aimerais qu'on parle de quoi ce soir? Est-ce qu'il y aurait un petit truc qui te plairait toi? Ouais, en fait j'écoutais l'émission hier soir et j'étais sur le cul avec l'histoire de Mehdi, donc j'aimerais qu'on prenne un peu de ses nouvelles peut-être. Alors Mehdi c'est celui qui nous avait appelé en début d'émission, qui avait fait une grosse connerie. Ah oui. C'est-à-dire qu'il voulait s'acheter un skin sur Fortnite, hein, le jeu que tout le monde kiffe là en ce moment. Et en fait au dernier moment il s'est dit je vais peut-être plutôt me prendre un abonnement avec la carte bleue de maman à un site de cul. Hein, est-ce qu'il voulait profiter d'une offre promotionnelle? Le problème, c'est qu'il avait un abonnement sur 1 an. Donc, grosse galère, il savait pas trop comment en parler à sa mère. On l'a appelé, justement, sa maman. Donc, on prendra des nouvelles de lui, Alison, c'est promis. Dans pas longtemps, on va lui passer un petit coup de téléphone. Tu veux choisir la musique ou pas, Alison? Ouais, j'aimerais bien qu'on écoute DJ Snake, Taki Taki. Ça, c'est génial. Taki Taki. DJ Snake, Selena Gomez. Cardi B. Petit blind test, Kassim, c'est quoi ce son? Je crois qu'il y a Dua Lipa dedans. Bravo Kassim. Ah oui. Kassim le reproducteur qui enchaîne les morceaux pendant la soirée, c'est lui qui met les jingles. Qu'est-ce que c'est ça, Alice? Un Missing You. Ouais, c'est un des artistes préférés en plus. C'est hein. Lude. Ah ouais, alors Elout, ah putain. J'aime trop. On kiffe sur le mec là. Mais j'adore, franchement, j'adore. Ah, il est beau gosse. Hein, mais oui, et puis il a un concept hors du commun. Et puis les hommes avec une guitare à la main, tout de suite. Hein. Mais il a été invité dans Bruno dans la radio. Oui. Alors, t'as une concurrente à Fun, hein. Je te le dis, Christina, elle est comme une dingue sur lui aussi. Mais toutes les filles. Ah, il m'énerve ces gens qui sont beaux là. C'est chiant. Ouais, c'est vrai. Alison, toi c'est lequel ton idéal masculin? Si tu devais définir l'homme parfait qui n'existe pas, hein, tu dirais que c'est plutôt qui toi? Ryan Gosling. Ah mais voilà, on est tout de suite dans le cliché quoi. C'est-à-dire mais ça va, mais ce mec il a des boutons comme tout le monde. Et alors? Dire il pète, il rote. Bah oui, mais il a pas un visage parfait. Ryan Gosling, il a du charme. C'est quelqu'un qui a pas un visage tout lisse. C'est pas un bébé DiCaprio avec une petite tête de poupon. Alors, tu vois? Okay. C'est... Alors, vous préférez un mec beau ou un mec qui a du charisme? Ah, les deux, ça peut être pas mal. D'accord. Ouais, okay. En général, quand on trouve rien d'autre à dire sur la beauté, on dit à la personne oui, mais t'as un certain charme. Ah ouais. Ah, c'est ce qu'on me disait tout le temps, dis donc. Ah, c'est vrai. Dur à entendre. C'est vrai. T'es pas beau, mais t'as du charme. Non, ça c'est horrible. Non, t'es pas beau. On m'a jamais dit ça. Si, peut-être. Alors, Alison, on va démarrer l'émission. On va la démarrer avec Elodie. Donc, je rappelle qu'Alison est notre auditrice du soir. Hein, ouais. On va se la coltiner pendant 2 heures, là, Alison. Ouais, hein. Bonne chance. Ah bah, voilà, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, Alison, t'as pas passé l'examen toi hier soir? Si, mais je l'ai loupé, putain. D'accord, donc tu es une redoublante. Je rappelle qu'on fera un nouvel examen avec un diplôme à gagner, le super méga pack Love in Fun, au 01 42 48 5000 pour vous inscrire également. Il y a Elodie qui nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir Elodie. Salut l'équipe, vous allez bien? Ça va bien. Elodie, t'as 22 ans, t'es à Paris. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as passé une bonne journée, Elodie? Bah oui, écoute, une bonne journée, mais là du coup j'ai une question et j'aurais besoin de votre avis. Oui. En fait, ça fait 4 mois à peu près que j'ai un plan cul, je vais être honnête avec vous. Et seulement qu'au début on avait fixé les bases, on s'était dit bon bah vas-y, c'est juste pour le sexe. Sauf que là je commence à avoir des sentiments pour lui et moi je sais pas si du coup je dois continuer ou arrêter totalement la relation vu qu'il a été clair avec ça. Bah, alors, tu sais, moi je pense qu'il y a plein de plans cul qui commencent par on fait que l'amour et puis qui terminent par une belle histoire d'amour. Bien oui, sûr. C'est possible. Il y a plein d'histoires. Ah ouais. On en entend plein en tout cas. Bien sûr. Elodie, tu l'as rencontré comment ce gars? Vas-y, raconte-nous un petit peu plus en détail. Bah, en fait, je l'ai rencontré sur Tinder parce que pour le fun, mes amis m'étaient dit oh, vas-y, inscris-toi, tu verras, c'est rigolo. Et puis je me suis laissé prendre un peu au jeu du plan cul sur Tinder. Ouais. Et là, bah, y a un gars, il m'a dit, vas-y, moi je sors d'une relation un peu sérieuse, enfin une rupture un peu douloureuse, j'ai besoin de me vider la tête. Me vider les couilles aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, ça aussi. Et du coup, je fais bon, bah vas-y. Et là, c'est devenu vraiment un plan cul régulier. Ok. On se voit de plus en plus, mais à chaque fois que j'ai omis l'hypothèse de on peut peut-être se voir en dehors enfin, je suis juste en dehors du lit, quoi. On peut faire avec des vêtements. En gros, lui, ça le bloque total. C'est-à-dire, ah, ouais, puis il te dit quoi? Bah, en gros, il me dit, non, il me dit, j'avais été clair dès le début, je t'ai dit, moi, c'est juste pour le cul, quoi. D'accord. Ah oui, il te dit quand même ça. C'est pas juste toi qui as des sentiments et tu sais pas où tu dois aller. Il te répond, bah non, je t'ai dit ce que je voulais. C'est horrible, je trouve. Ouais, mais du coup, je sais pas si je dois continuer, essayer peut-être de garder espoir, etc., ou si je dois totalement arrêter. Ça veut dire que là, toi, en gros, t'es amoureuse, mais qu'en face, lui, il n'y a pas de répondant. De ce côté-là, en tout cas. Vous êtes très bien au lit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, bah, enfin, moi, j'aimerais plus, quoi. Enfin, qu'on voit, qu'on boive un café. Mais même ça, il veut pas déjà. Ouais, non, mais c'est ouf. D'ailleurs, il veut pas un café, tu vois. Pff, ou alors, trouve autre chose, peut-être, qui lui plairait, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Ouais, j'ai pas encore essayé, mais du coup, avant de faire vraiment trop, peut-être la forceuse, etc. Bah, je voulais avoir votre avis sur la situation. Gentiment. Si t'y vas, c'est vraiment très, très doucement, puisqu'il a vraiment pas l'air du tout d'avoir envie de ça. Trouve autre chose que, je sais pas, si tu lui proposes un café, etc. Essaye autre chose. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Regarder un film. Ouais, non, mais voilà. On pourrait manger ensemble à l'appart après. Tu vois. Ouais. Surtout. Voilà, juste ça. Pour rester dans le même contexte et parler de soi, parler de lui, parler de toi. Mm-hmm. Quand vous voyez, vous faites quoi concrètement? C'est-à-dire, le mec, il ouvre, vous voyez chez toi, chez lui Oui, il se passe quoi avant et après? Est-ce qu'il part tout de suite? C'est vraiment que du cul et après il s'en va? Ouais, bah c'est vraiment ça en fait. Si on se voit, bah, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit vraiment dans des lieux publics. Et puis, c'est vraiment salut, au revoir, quoi. Des lieux publics? Des lieux publics, vous faites ça dans la rue et tout? Vous faites des petits délires? Non, pas dans la rue, mais genre dans les magasins, etc. Et vous faites, vous faites l'amour dans les magasins? Ouais, dans des cabines d'essayage. Ok. Ah non, mais carrément. Oui, tu devrais arrêter quand même, parce que là, ça fait plusieurs semaines que ça dure. Toi, t'as des sentiments qui se développent. C'est pas faute pour lui d'être clair. Donc alors forcément, t'as envie de le faire changer en se disant, mais attends, c'est pas possible, on passe plein de moments ensemble. Il doit me voir autrement que juste comme un plan cul. Mais là, c'est toi qui t'attaches un peu à sens unique. Personnellement, je serais à ta place, je mettrais un ultimatum. Je lui dirais, écoute, soit on voit ce qu'il y a plus loin, soit laisse tomber, trouve-toi un autre plan cul, tu vois. Et si il te renvoie plus de messages, eh ben tant pis, quoi. C'est juste qu'il y a un moment, de toute façon, t'es pas là juste pour être, pour le dire vulgairement, une chatte, tu vois. Donc t'es pas juste là pour ça. C'est pas une chatte. Ben non, mais voilà. Donc t'es aussi quelqu'un à côté. Si toi t'as des sentiments pour lui, tu tranches, quoi. Mais ça sert à rien, parce que ça, c'est le pire. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Ils disent, bon, bah, plutôt que de perdre la personne, je préfère quand même rester plan cul en me disant les semaines à venir, les mois à venir, la personne va s'attacher, je vais tout faire pour qu'elle s'attache. Donc tu t'efforces pour rien, quoi. Ouais. Et toi, tu t'attaches encore plus et c'est encore plus douloureux après. Ou alors, sinon, t'as aussi dans les autres solutions, c'est subitement ne plus donner de nouvelles, toi. Et voir comment il réagit. Bah, il va vouloir tirer son coup, donc il va la rappeler, il va lui dire pourquoi tu... Non. Moi, tu sais quoi, on va lancer le standard là-dessus. En plus, il y a déjà des appels. Il y en a plein qui nous écoutent et qui ont déjà tenté le fameux plan cul, hein, qui n'est à la base que du cul. Mais souvent, ça se transforme. Donc justement, venez nous dire si, à la base, vous aviez un plan cul et puis c'est devenu une vraie histoire d'amour, ou c'est resté qu'un plan cul. Et il y en avait un qui était particulièrement attaché. Et là, vous avez été obligé de lui dire que ça allait pas être possible. Venez nous raconter, justement. On va se nourrir, Elodie, de tous ces témoignages pour tirer des conclusions. Okay. Alison nous dira aussi si elle fait des plans cul en Belgique. Restez bien avec nous. On va écouter Maître Gims dans un instant. Allez, venez, réagissez. Hein. On se dit tout. 01 42 48 5000. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love Fun Radio. Y'all ready? Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Est-ce que vous êtes prêts? Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono, c'est parti! Et gagnez votre séjour d'une semaine en demi-pension avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Partez en famille ou entre amis, à la mer ou à la montagne, dans l'une des 58 destinations en France. C'est gagné! Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Avec Bellambra, comme par magie, tout est là. Plus d'infos sur bellambra.fr. Restez connectés avec la famille Fun Radio. You make my heart. really stood up burning it. When I think you stopped, spin it like you earned it. And when you popped off on your ex, you deserved it. I thought you were the one from the jump and confirm it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Run the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches, they be kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the cold to the bank. Cold to the bank, cold, cold to the bank. I want you, and I need you, and I'm down for you always. But the new me is really still burning, and when I think you stop, spin it like you earned it. And when you popped off on your ex, you deserved it. I thought you were the one from the jump and confirm it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches, they be kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the cold to the bank. Cold to the bank, cold, cold to the bank, bank. I don't know how to know it work. Fuck that neck, listen, chill. What's your man, man, man, man? I want you, and I need you, and I'm down for you always. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Et Love in Fun est partout et Love in Fun est sur la chaîne YouTube, bien sûr. Le YouTube de Love in Fun pour nous retrouver. On vous met plein de vidéos. La dernière en date, c'est celle où on peut entendre une magnifique interview d'Anna Paulina, ardeuse professionnelle qui travaille donc dans le milieu du X. Parce que c'était une question d'un auditeur qui voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait devenir à 15 ans acteur porno. Donc Anna lui a expliqué gentiment que va falloir attendre déjà 18 ans et puis que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Hein. Pour lui, être acteur porno, c'était vulgairement niquer des meufs. C'est ça. Et il a vite compris, enfin il a déchanté et vous en apprendrez un petit peu plus sur ce métier magnifique au demeurant. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube Love in Fun pour trouver un, en plus là ça va bientôt être le week-end, c'est l'occasion de mater pas mal de vidéos, franchement il y a du lourd, hein. N'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, on se fait une petite question à la con là. Ah oui, la question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Parce que il n'y a pas de mauvaise question et qu'il y a parfois des questions à la con. On a inventé ici dans Love in Fun la question à la con et je dis bonsoir à Pierre. Bonsoir Pierre. Salut toute l'équipe, comment ça va? C'est tranquille. Ouais, mais c'est tranquille chez toi à Paris ou pas Pierre? Ouais, ça va, il y a juste mes parents qui dorment à côté, mais bon, on m'a forcé à parler un peu plus fort que prévu. Ah, on t'a forcé, hein? C'est-à-dire, c'est juste pour qu'on t'entende en fait. Tu comprends ouais, Pierre? T'inquiète pas, c'est rien, je vous en veux pas. Tu es en quelle classe Pierre? Je suis en 5e. D'accord, et ça se passe bien? T'as une copine? Ouais. C'est vrai? Sans déconner? Ouais, même que c'était. En fait, on s'est rencontrés pendant la colo et que finalement, elle a perdu sa virginité, on va dire, en quelque sorte. Oh! Pierre, il est plus puissant? À 13 ans? Ouais. C'est vrai? Et alors, ça s'est passé comment la première fois avec elle? Bah, en fait, si tu veux, c'était le soir de la boum. On avait dansé un slow tranquille et puis finalement. ouais. À cause du sucre qu'il y avait dans les boissons là-bas. On était complètement surexcités, alors on s'est dit, bah pourquoi pas. Attends, elle est géniale cette anecdote. C'est énorme. Putain, elle, tout est collector là-dedans. Hein, déjà, c'était une sortie de boom. Hein, et puis, il y avait trop de sucre dans la boisson, alors du coup, on était surexcités. C'est génial. Ah, mais, alors, ça l'avait excité de boire du sucre. C'était quoi la boisson exactement? Parce que moi, je vais en donner. Hein. Il n'y avait pas de substance illicite à l'intérieur, il n'y avait pas de GHB, des choses comme ça. Non, il y avait en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait un mélange de plein de sirop et tout. Mauvais mélange. Trois doses de Tesserre. Hein, et tout le monde était défoncé. Putain, eh, génial. Ok, bah, je vais penser à prendre du Tesserre pour ce week-end. Hein. Et Pierre, quelle est ta question à la con? Alors, en fait, si tu veux, vu que ma mère adore les bougies parfumées, pour son cadeau de Noël, je voulais lui offrir une bougie. Mais je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire des bougies parfumées avec de la cire d'oreille? Ah, mais il faut bien collectionner. Ah, il faut demander les cotons-tiges de tous ses amis, en fait. C'est pas la même cire, donc. Non, alors on appelle ça de la cire. Ça s'appelle du cérumen. Et en fait, ça n'est pas du tout de la cire. C'est juste des acides gras. C'est du cholestérol, de l'acide stéarique et des acides gras. Ah ouais? Voilà. C'est, comment on dit ça? Soluble dans l'eau. Et par conséquent, ça n'arrivera pas à faire du tout une bougie. Hein, ça ne sera jamais solide. Même si on prend un bouchon. Tu peux pas faire de bougie avec. D'accord. Et alors, dès que tu mettrais le feu, boum, ça fondrait tout de suite. Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai une question en plus, Pierre. Je peux ou pas la poser? Ouais, vas-y. Bah, et alors, on m'a dit, Doc, que si on se nettoyait les oreilles tous les jours avec du coton-tige, c'était pas bon. Non, c'est pas bon parce que le cérumen, il est là pour ça. D'accord. Donc, il faut garder le truc dégueulasse dans ses oreilles. Oui, tout à fait. C'est fait exprès pour éliminer toutes les poussières. Ah, il y en a qui sont rassurés. Qui est content. Ah, je suis soulagé, moi. Ah, Kassim, il n'en pouvait plus. Les médecins et les ORL sont pour l'interdiction totale du coton-tige sur la planète. Bon, on a un peu du mal à faire passer le message, mais c'est un danger. Ça pousse le cérumen, ça perce des tympans, ça favorise les infections. Enfin, c'est une catastrophe, le coton-tige. On se nettoie les oreilles comment? Mais tu le laisses faire. Le cérumen sert pour nettoyer tes oreilles. D'accord, c'est lui qui nettoie tes oreilles. Ah ouais, moi, ça me donne envie de nettoyer les oreilles des autres des fois. Donc, c'est horrible ça. Il y a pas des sprays ou des autres trucs? Non, moi, j'avais déjà essayé les coton-tiges écologiques. Ils peuvent être écologiques. Jamais je laisserai ça dans mes oreilles, Doc. C'est je me les nettoie tout coton-tige. Le temps. Et même toujours un coton-tige. Mais tu sais les coton-tiges où bébé. Justement. Alors ce bébé, tu peux les utiliser. C'est juste autour. Ils sont gros. Moi, c'est une brindille que j'ai. Tu vois, un coton-tige écologique. T'as jamais vu ça? Si, j'en ai vu, mais c'est une catastrophe aussi. C'est toujours un coton-tige. Il ne faut pas de coton-tige. Sauf celui bébé qui est très gros, qui ressemble à un petit téton. Et parce que ça fait calmez-vous. Mais Pierre, t'en as pas marre de foutre la merde dans cette émission? Tout ça à cause de tes coton-tiges de merde? Encore que je crois que c'est moi qui ai posé la question. C'est ça. Hein, en plus. Bah écoute, Pierre, en tout cas, on a appris plein de trucs grâce à toi. Et si jamais vous avez plein de jaunes dans les oreilles, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne nettoyez pas. Voilà. Hein, voilà. Eh ben putain. Poser une deuxième question à la con. Ouh, dis donc Pierre. Ah, bah, écoute, vas-y, hein, vends-nous du rêve. Deuxième question à la con, top, c'est parti. Je voudrais la poser à Monsieur Voix de Merde. Monsieur Voix de Merde, donc Kassim, j'imagine. Ouais, salut Pierre. Ouais, salut. Ça va? Ouais, et toi? J'aimerais savoir, pour avoir cette voix de merde, je crois que t'as confondu le pot de miel avec le pot de cire. Oh, t'aurais pas dû poser une deuxième question, toi. Ouais, t'aurais dû t'arrêter là, c'est gênant. Pierre. Je crois Pierre. Que j'ai fait du sucre. Non, mais c'est pas. Il est trop fort. Il s'est rattrapé. Il s'est bien rattrapé. On va t'envoyer ton Tesserre, Pierre. Et le pack Love in Fun, tu raccroches pas, d'accord? Ah, ça y est, les parents qui débarquent. Hein, ouais. Et il a parlé trop fort, Pierre. On l'a pas fait l'énerver. Ah, passe-nous ta mère. Passe-nous. Attends, on va se faire des. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Que se passait? J'étais avec Pierre au téléphone. Pardon? J'étais avec Pierre au téléphone. Ah, d'accord. Vous êtes la radio, non? Oui, tout à fait. Je suis. Il a réussi. Alors, il s'appelle pas Pierre, il s'appelle Johannes et il a 11 ans et demi. Oh merde! Oh là là! Il est malin, hein? Après, il est malin, mais le problème c'est que moi j'écoute aussi, donc il est un peu con aussi. Ah, vous étiez en train d'écouter l'émission? Ah bah alors nous on pensait qu'il s'appelait Pierre et qu'il avait 13 ans. Il nous a menti. Dido, tu vas. Alors c'est quoi son petit prénom? Johannes. C'est Johannes. Johannes, va vite te coucher, Johannes. Mmh. Bon, mais se coucher, là, c'est clair. Et vous, c'est quoi votre petit prénom? Gaël. Gaëlle, merci beaucoup d'être restée au téléphone avec nous. En tout cas, vous êtes très, très agréable. Je vous en prie. J'écoute votre émission, mais j'écoute aussi Bruno le matin. Donc. Ah, fidèle auditrice de Fun Radio. Ah, tout à fait. Eh ben écoutez, passez à la radio quand vous voulez, Gaëlle. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera visiter notre acoustique. Ça marche. À bientôt, Gaëlle. À bientôt. Gros bisous. Au revoir. Au revoir, Gaëlle. Il s'est passé un truc, hein, je pense. Hein. Ouais, ouais, hein. Bah, vous avez eu la même impression que moi ou quoi? Vous allez-y, hein, là. Hein. Ah ouais, non. Ouais. Putain, peut-être que ça y est, je vais faire un truc avec une fille. Et ça, c'est sympa. Alors, on va récupérer Elodie, 22 ans de Paris. Elodie qui est en train de tomber amoureuse de son plan cul. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Elodie, toujours là? Ouais, toujours là, je vous écoute toujours. Alors, on va accueillir Gabriel, 27 ans d'Arras, et Laura, 25 ans de Paris. D'abord, Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Ouais, salut Doc, salut Carré, salut toute l'équipe. Salut Gabriel. Elodie nous a raconté qu'elle était, voilà, en kiff sur un mec où c'est une relation vraiment plan cul, quoi. C'est-à-dire, ils font que l'amour et que ça, ils partagent aucun autre moment ensemble. Elle commence à s'attacher et elle commence à atteindre les limites de cette relation. Toi, est-ce que t'as eu une expérience de plan cul comme ça aussi, Gabriel, et comment ça s'est transformé? Alors, donc, il y a un an de ça, il y a la cousine d'un de mes potes qui sortait des relations compliquées, moi aussi, et du coup, on a décidé de se voir en tant que plan cul, et à la base, c'était défini comme Elodie, c'était que du cul, et voilà, quoi. Ouais. Et sauf que, on s'est attaché, elle s'est attachée plus que moi au départ, et elle m'a dit clairement, elle m'a dit, écoute... Je me suis accroché à toi. Il faudrait qu'on aille un peu plus loin. Au début, je lui ai dit non. Ouais. Parce que je voulais pas, j'étais encore pas bien dans mes basques. Et puis, au final, je me suis rendu compte que, je tenais à elle et que j'étais très bien avec elle. Et donc, du coup, on s'est vu de plus en plus. Et voilà, et de fil en aiguille, on est en couple depuis un an. Là, on vit ensemble. Ça se passe super bien. Ouais. Elle a des projets et tout. Donc, voilà, quoi. J'avais une question, c'est quand vous étiez que plan cul, est-ce que vous faisiez d'autres choses à côté? On se voyait chez son cousin, forcément, puisque c'est un de mes copains, on faisait des soirées, voilà, mais je veux dire, même eux étaient même pas au courant, je veux dire, on était vraiment planqués et on se voyait à la limite hors de tout ça, que pour du sexe, quoi. Oui, mais vous voyez à côté, vous avez malgré tout, vous êtes découvert un petit peu à côté, en dehors du simplement plan cul qui était très limité dans le temps, tu vois. Ouais, voilà. Contrairement à... Moi, je pense que vous avez été de bons conseils en lui disant qu'il faudrait être caché avec le mec, quoi, et lui dire, moi, je suis accroché à toi, et voilà, et après, et, peut-être que lui, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose, et voilà, et puis s'il ne se rend compte de rien, c'est que c'était pas le bon, et voilà. Enfin, si tu crées pas une... À côté de quelque chose. Ouais, non, mais Gabriel, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais c'est ça qui est important, Elodie. Si tu crées pas une cassure à un moment donné, le mec, il va pas se rendre compte que tu lui manques aussi, quoi. Ouais. C'est faut vraiment faire un truc, faut bouger, faut pas que je reste. Si tu veux faire évoluer la relation, sinon ça va continuer comme ça jusqu'au moment où il te dira salut, quoi. Moi, je me dis que ce qui peut être pas mal, c'est parle de toi. Toi, t'as des sentiments, tu lui dis. Il en fera ce qu'il en veut. Ouais. Si lui, il dit, écoute, je suis désolé, mais non, vraiment, pas du tout, quoi, c'est pas possible, tant pis. Et qui sait? Peut-être que il peut se passer quelque chose ou pas. Et peut-être qu'il va réfléchir et se dire c'est peut-être bête que je passe à côté. Peut-être que il peut y avoir autre chose ou pas. Tu sauras, tu verras bien. Alice, toi, t'y crois, toi, au plan cul qui peut devenir une vraie histoire d'amour? Ouais, carrément. Franchement, je pense que ça. Des fois, on part d'un plan cul, on arrive sur une histoire d'amour, mais des fois, non. C'est ça aussi. Ouais. C'est que parfois les gens ont pas du tout envie, et c'est clair dès le début. Là, c'est le cas aussi d'Elodie, et j'en connais plein des gens comme ça. J'ai pas mal de mes potes qui me disent, moi, c'est un plan cul, et à chaque fois, quand la fille elle commence à me dire, il y a des sentiments et tout, et je next parce que je c'est le but du plan cul. Et des fois, certains mecs ont la sensation que vraiment une fille plan cul, c'est pas une fille avec qui tu te vois pour une relation sérieuse. Coucher avec le premier soir, c'est pas forcément sérieux. Donc ça dépend vraiment des gens, mais carrément j'y crois. De toute façon, ça se contrôle pas vraiment le feeling avec les gens. Donc ça veut dire qu'on est suffisamment ouvert pour que ça arrive aussi. Tandis qu'il y en a certains, effectivement, ils sont dans la case plan cul, ça reste comme ça, ça bougera pas de là. Bon, c'est un peu dommage de pas ouvrir les portes à autre aller, chose. Quoi, voilà, c'est tout ça. Peut changer, une belle amitié avec un collègue de radio. Enfin, voilà. Non, faut pas aller jusque là quand même. Là, ça me paraît un mariage. Poussé. Laura, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Laura. Qu'est-ce que tu fais là, Laura? J'écoute la radio. Ouais. J'écoute depuis tout à l'heure. Ouais, ça va, tu passes un bon moment? Oui, ça va. D'accord. Et alors, Laura, t'as 25 ans, t'es parisienne, toi? Je suis de la région parisienne. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je travaille. Ah, oh, waouh! Réponse mystérieuse! Mais je travaille dans quoi, Laura? Tu veux pas le dire? Tu veux rester anonyme? Non, non, mais je travaille dans les pièces automobiles. D'accord. Ah, mais oui, alors c'est vrai que ça peut surprendre certains auditeurs, mais nous, on parle avec les auditeurs. Hein. On vous demande ce que vous faites, on s'intéresse un petit peu. Oui, enfin, oui. C'est vrai que c'est un peu nouveau, ça, dans les libres antennes. Allô, t'appelles pourquoi? Ouais, vas-y, allez, bam. Non, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude de passer à la radio, alors du coup. C'est ton dépucelage ce soir? C'est ta première fois? Voilà, c'est ça. Bah écoute, installe-toi tranquille, réagis justement à ce sujet. On va entendre aussi Alice, notre auditrice du soir. Et est-ce que t'as déjà eu un plan cul, toi, déjà, pour commencer, Laura? Ouais. Ah, bon, d'accord. Et alors, t'en as eu plusieurs? Ça s'est bien passé? Ça non, s'est fini? J'en ai eu qu'un. Un seul? D'accord. Et pourquoi ça s'est pas bien passé? Non, c'est pas que ça s'est pas bien passé. Non, non. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Un énorme souvenir, le meilleur souvenir de ma vie. Carrément. Ouais, c'était mon meilleur souvenir. Ouais. Et pourquoi t'es plus avec? Bah parce qu'il a décidé de partir, parce que lui il se voyait pas avec moi, du coup. Oh mais c'est horrible ton histoire, Laura. T'es en train de nous dire que c'est le meilleur souvenir de ta vie, mais il a pas voulu de toi. Bah voilà. Oh c'est dur ça. C'est la vie. Hein. Après c'est le meilleur souvenir sexuel, c'est ça que t'es en train de dire. Oui, et puis même amoureusement, moi j'étais amoureuse aussi de lui. Mais c'est pas le lui. Premier mec pour qui j'ai eu des vrais sentiments. Mais lui, il est amoureux de toi ou pas? Non, non, non. Ah, t'as, c'est terrible, après, ça. Après, je pense qu'au fond, il m'appréciait quand même. Évidemment. Ça, oui. Fais pas l'amour à quelqu'un, t'en fous, quoi. Même. Je sais pas. Moi, je pourrais pas faire l'amour à quelqu'un dont je suis pas amoureux. Allez, arrêtez, vous faites de ma gueule. Après, moi, j'aurais pas préféré qu'il m'apprécie, j'aurais préféré qu'il m'aime en retour. Oui, ça change. Ça, parce que c'est pas ça ne se commande pas. D'aimer quelqu'un qui vous aime pas, c'est pas facile, non? Il y a des sentiments, on se dit qu'il faut qu'on parte, mais en même temps, on n'a pas envie de partir. Moi, je savais qu'il fallait que je parte, mais je voulais pas partir parce que de partir, ça aurait voulu dire que fallait que je perde tout ça. Fallait que je perde sa présence, son odeur, le fait que les quelques heures qu'il passe avec moi, c'est les meilleures de ma vie. C'est lui qui a fait ce choix. Voilà. Il a été obligé. Bah ça veut dire que c'est lui qui est obligé de faire ce choix-là et de décider de partir, ouais, parce ça. Que toi tu peux pas le faire. Ah, quand t'es amoureuse, bon, évidemment, t'as envie de rester, quoi. T'entends Élodie? T'entends Élodie? Ouais, ce que dit Laura. C'est exactement ta situation. Et là, ça s'est pas bien passé avec Gabriel. Voilà, c'est la même situation, sauf que là, ça a fonctionné. C'est, enfin voilà. Et Élodie, on vit pas ta relation. C'est toi qui seras plus à même de cerner le truc, quoi. Ah, Alison, en Belgique, on pratique le plan cul en Belgique. Le plan cul belge. Ouais, bien sûr. Ah oui, t'as beaucoup de plan cul, toi, Alison. T'en as eu beaucoup ou pas? Pas beaucoup, mais là j'en ai eu un récemment, il y a quelques mois, et donc en fait c'était pareil. Enfin, moi je partais sur une base plan cul, et donc lui pas tout à fait. Et puis en fait on avait des amis en commun, et quand on sortait, il y a une ou deux fois où il commençait à me prendre la main et tout ça, et bah moi ça restait strictement un plan cul. Donc j'ai arrêté de le fréquenter, et puis un jour il m'a envoyé un message pour me demander si je voulais qu'on reste ensemble. Il m'a dit: tu me manques. Et moi je l'ai clairement répondu que c'était pas réciproque pour moi, donc on en est resté là. Mais je pense, Elodie, faut qu'on parle avec lui, sinon ça va être compliqué. Oui. Faut être honnête. Bah voilà. Ouais. Il parle de toi et puis il fait ses choix. Voilà. C'est ça. Okay. Bon, Elodie, tiens-nous au courant, en tout cas, on aime bien savoir comment ça se passe après les conseils. Ouais. D'accord? Ouais, je vous enverrai un message sur Facebook. Ouais, carrément. Et le Facebook de Love in Fun, hein. Vous pouvez nous envoyer des messages privés. Il y en a qui passent pas forcément à l'antenne, qui ont un petit peu peur. Vous pouvez envoyer un petit message privé sur Facebook. On les lit. On en parle aussi à l'antenne. On te fait plein de bisous, Elodie. Et bon courage pour cette histoire. Hein. Bah merci beaucoup, l'équipe. Merci, ça fait du bien d'entendre des conseils et puis d'en parler sans forcément se faire juger. Voilà, tout à fait. Eh ben merci à toi, Elodie. Salut. Merci. Gros bisous. Je remercie également Gabriel et Laura, les amis là d'Arras et de Paris. On vous envoie le pack Love in Fun si vous raccrochez pas. D'accord, les amis? Ok, ça marche. Merci. C'est cool. Bon, merci. Et on va faire plaisir à Alison tout à l'heure en début d'émission, qui nous a demandé des nouvelles de Mehdi. On aura Mehdi au téléphone dans un instant, Alison. Ah ouais, super. Bon, Mehdi qui avait demandé à sa maman, enfin qui avait volé la carte bleue de sa mère. Il l'a pas volé. Hein.

Allô? Allô? Allô? Ouais, oui. Salut maman, c'est moi. Ouais. Ah, c'est toi? Ouais, comment ça? J'avais plus de batterie, du coup je t'ai appelé avec le téléphone de mon pote. Ah ok, ça va? Ta soirée se passe bien? Ouais, nickel, ouais. Nickel. Bon, bah, j'avais juste un petit truc à dire, maman. Quoi? Vas-y. Tu vois, l'autre jour, quand je t'ai demandé ta carte bleue pour m'acheter un skin Fortnite. Ouais. Bah, en fait, je me suis pas acheté de skin Fortnite. J'ai acheté autre chose. C'est-à-dire autre chose? Tu sais, j'ai 16 ans. De temps en temps, je vais sur des sites pour adultes. Et bah, j'ai rentré ta carte bleue pour me prendre un abonnement. Non. Adulte. Ouais, un site de cul, quoi. Un site de cul? Mais ça va pas la tête. Là, franchement, je comprends pas. Enfin, t'as 15 ans, lui dit. Enfin, je. Mais qu'est-ce qui. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va pas? Bah, j'ai 15 ans, enfin, c'est bon. Je fais comme les jeunes de mon âge. Oui, comme les jeunes de. Ah oui, c'est. Ah bon? Ils regardent, comment dire, les sites porno? T'es les jeunes de ton âge, c'est comme ça maintenant? Bah, ouais. Attends, moi, j'ai eu 15 ans aussi, lui dit. Non, je. Enfin, ça me venait même pas à l'idée, quoi. Enfin, je. C'est ouais, pas, mais je. C'est pas la même génération. Vous, à l'époque, vous êtes la même chose. Attends, je suis pas si vieille que ça, quoi. J'ai 52 ans, mais donc. Voilà, t'arrêtes, quoi. Je veux dire, non, mais c'est. Et puis en plus, combien t'as payé cette connerie, là? Bah, c'est une offre. Genre, j'ai réussi au lieu d'avoir 30 euros par mois. En plus, c'est une offre. J'ai eu à 14,99€. Comment? 14,99€ au lieu de 30 euros. Ouais. Comment dire? Par contre, pour avoir moins cher, c'était pendant un an. C'est 14,99€ tous les mois. Mais ça va pas, non? Mais écoute, mais comment je vais faire pour me désabonner de ce. Enfin, j'arrive même plus à. Comment dire? Tu m'énerves tellement, j'arrive même plus à parler. Tiens, tu vois, tiens, t'es sorti là. Tu vas les oublier déjà pendant un mois, tu sors plus. Si, non. Ta PlayStation, c'est mort. Hein, donc, non, pas ma PlayStation. Tu es obligé de changer de carte bleue, quoi, pour te désabonner. Enfin, on est obligé, quoi. Mais un site de cul, je te jure, je vais en parler à ton père. Tiens, je vais parler comme vous parlez les jeunes. Oh, il va te niquer ta race. Je sais très bien comment il va réagir, s'il te plaît, papa. Mais justement, tiens, ça va, comment dire, oui, voilà. Tiens, ça, puisque tu parles de, voilà, tiens, ça m'excite, ça. Bah, lui, au pire, lui, c'est, papa, c'est un homme, il va comprendre pourquoi je vais sur ce genre de site. Ah oui, parce que peut-être qu'il va aussi, remarque, hein. Donc, à la limite, oui, c'est vrai que c'est ton père. Ça aurait pu, oui, y penser. Ah, donc, mais ça va pas, non. Mais dis, enfin, mais qu'est-ce qui t'a fait par la tête? Mais c'est dingue, quoi, je. Pff, ouais, là, tu m'énerves. Je te fais confiance. Hein, je te laisse aller chez, comment dire, chez tes potes. Hein, tu. Et en plus, si tu m'annonces comme ça. Mais c'est ton pote, là, j'en suis sûre, qui t'a, comment dire, qui t'a mis cette idée-là dans la tête. Bon ça, madame. Ah, non. Bon ça, madame. Oui. Bon ça, Sandrine. Bonsoir. On vous dérange pas, j'ai pris le téléphone de Mehdi. On est plusieurs en fait. Moi je m'appelle Karel. Il y a un médecin qui est avec moi qui s'appelle Doc. Bonsoir. Il est sexologue, capitaine de bateau et également une charmante animatrice qui se prénomme Alice qui est à mes côtés. Bonsoir. Et Sandrine, vous êtes en direct sur Fun Radio, voilà, dans Love in Fun, dans toute la France, là. Tout le monde vous entend. Si, tout le monde vous a entendu dire que Mehdi allait se faire niquer sa mère. Et c'était une blague! Bien sûr. Alors, Sandrine. Non, en vrai, c'est pas une blague. Maman, par contre, c'est pas une blague. Sandrine, ce n'est pas du tout une blague. Mehdi nous a appelé dans l'émission parce qu'il était très, très embêté. Il a pris cet abonnement, mais en même temps, c'est vrai que cette offre à 14,90€. Pardon, non, mais c'est vrai que c'était quand même, c'était tentant, Mehdi, hein. Mais t'aurais pas dû faire ça. Et donc, on va essayer de trouver des solutions, pour vous, Sandrine, parce que là. Je recommencerai plus. Bah, bien sûr, Mehdi, il s'en voulait, hein. Un doc. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même très bien chez Mehdi, c'est que il s'est rendu compte de sa connerie à peine faite. Bravo, Mehdi. Il en a profité un petit peu, mais à peine faite. Et il s'est dit, non, je peux pas laisser passer ça. Et il a vraiment voulu, vous appeler en disant, je dois dire la vérité, je veux pas que ma mère s'en rende compte à la fin du mois quand ça va être débité et qu'elle va avoir le. Voilà, je veux lui dire moi-même. C'est le premier mois. Ce qui est quand même bien. Bien sûr. Ah oui, mais enfin bon, pendant un an en plus. Oui. Ah, donc moi, je vais être obligée, en fait, je vais être obligée de changer de carte bleue. Non, alors pas obligatoirement. Il faut appeler la banque. Ouais. Et dire que c'est votre fils qui a fait une opération, machin, etc. Et contester cette mesure-là. Alors, ça dépend des banques, ça dépend de la relation que vous avez avec le conseiller clientèle. Ouais, voilà. Mm-hmm. Mais faut lui en parler en disant voilà, mon fils, il a fait une connerie, il le reconnaît, etc. Et j'interdis cette opération. Les oppositions bancaires sur une opération vis-à-vis d'une société sont possibles. Ah ouais, elle était pas contente, maman. Hein, franchement, avec ce qui s'était passé et tout. Mehdi, raconte-nous, parce que ça, c'était hier. Aujourd'hui, déjà après l'appel, comment ça s'est passé? Vas-y, dis-nous tout. Bah alors, du coup, aujourd'hui, je suis partie en cours normalement. Et après, j'ai un peu paniqué toute la journée. Mais quand je suis rentrée, il y a ma mère directement. Elle m'a pas dit bonjour, rien du tout. Elle m'a demandé de montrer le site. Donc déjà, je lui ai montré les vidéos parce qu'en fait, il y a un onglet vidéo récemment regardé. Donc là, regardez les vidéos. Oh, j'ai trouvé ça hyper gênant. Ah ouais, il y avait quoi? C'était des vidéos de quoi? Enfin, on imagine, mais c'était plutôt quelle catégorie? Je vous ai dit, c'est lesbienne. Hein. Ah bah oui, toi t'es à fond lesbienne, quoi. D'accord, ok. Ça. Et donc après, il y a ma tante, elle est venue manger à la maison. Et donc ma daronne, en premier, elle est arrivée au repas. Et bien sûr, elle a raconté l'histoire. Et ma tante, tout le repas, elle s'est foutue de ma gueule, c'était horrible. Au moins, ils en rigolent. Ouais, voilà. Tant que c'est que ça, c'est bien. Au moins, ça te sert de leçon. Mais au final, elle m'a pas hyper engueulée et tout. Ça allait juste, elle m'a dit, tu fais plus jamais ça avec ma carte, quoi. Ouais, ça va. Ouais. Franchement, ça va. Et ton père? Ouais. Mon père, j'ai pas l'impression d'en parler. Elle lui a pas dit, apparemment, ou alors il s'en fout, mais moi, j'ai eu aucune nouvelle de lui. Voilà, il fait cool. Hein. Heureusement, tu l'as dit très vite. En fait, t'as pas attendu plusieurs mois. Ça fait 10 ans, elle est célibataire. Donc, elle a gardé l'école. Je sais pas ce qu'elle va faire avec. Mais ça se trouve, maman va garder l'abonnement. Elle va regarder les films de lesbiennes. Ah, c'est bon ça. C'est une offre. Hein. Non, mais le conseil hier, faut vite aller porter plainte. Enfin, c'est pas même pas porter plainte, c'est appeler sa banque. Ouais. Appeler la banque. Il faut écrire au site aussi. Ouais, carrément. Après, elle m'a dit que après, elle a un peu écouté l'émission, forcément. Ouais. Et elle vous a vraiment kiffé, donc maintenant elle écoute et tout. D'accord. On l'embrasse. Écoute, on embrasse très fort ta maman. Qu'elle n'hésite pas à nous donner ses codes pour qu'on puisse nous aussi aller visiter ce magnifique site qui coûte 14,90€ par mois. C'était quand même une belle promo, je peux comprendre. Mais c'est cher. 30€. Attends, bien sûr. Le porno, c'est gratuit maintenant. Complètement. Alice va souvent voir des sites. Exactement. Ah, c'est vrai? Non, pas du tout. Non, c'est pas trop mon truc d'aller voir des sites, mais je sais qu'on peut en avoir de très facilement. Quand je vois que Cassim, à quelle facilité il arrive à me mettre un fond d'écran justement d'une image porno sur mon ordinateur, j'imagine que c'est gratuit. Oui. Mais t'en as beaucoup, ou c'est une minute, deux minutes, trois minutes. C'est toujours coupé pour pas avoir la totalité. Tu connais. Mais t'as le temps en trois minutes ou pas? Bien, bien, j'explore la chose, c'est mon travail. C'est scientifique et sociologique. Ah, j'adore. Putain, j'aurais dû faire médecin sexologue. Tu crois que je l'ai fait pourquoi? Comme tout le monde, pour être excité. C'est pour mon travail. Ah oui, bien sûr. Donc, tout le monde te croit. Mehdi, écoute, content en tout cas que ce soit bien passé. Tu passeras pas à côté de ton Noël. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, merci à vous. C'est grâce à vous. Hein. C'est bon. Merci. On est là pour toi. Allez, ciao Mehdi. Salut. Pour nous appeler toute la soirée, le 01 42 48 5000, pas de sujet tabou ici, vous pouvez venir tout dire. On va faire un examen dans un instant. Pour gagner du cadeau, pour gagner un diplôme, il faut nous appeler également. Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le Snapchat Love in Fun Radio, sur l'Insta aussi, en nous envoyant votre numéro de téléphone 01 42 48 5000. Et voici DJ Snake avec Taki Taki sur Fun Radio, c'est Love in Fun jusqu'à minuit. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flow. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, taki taki. Tienes un besito, un aquí. Una flota como Nagasaki. Los motores de Kawasaki en la discoteca Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje el booty, sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where? At the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work it keep it tight every day. And I know you need a taste. Now ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque hay en la party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, pero no one can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Taki, c'était DJ Snake sur Fun Radio. Interro surprise! Passe ton examen dans Lovin' Fun sur Fun Radio. Bonsoir et bienvenue dans l'examen sur Fun Radio. Oui, ce soir, de nouveaux candidats vont s'affronter pour un jeu unique. Un jeu qui vous permet de gagner un diplôme. Un diplôme qui vous permettra de vous la péter auprès de tous vos amis. Parce que oui, les diplômes Love in Fun, c'est pas évident de les gagner. Il y a une confrontation une nouvelle fois ce soir avec bien sûr le méga giga supra pack Love in Fun qu'on vous a réservé, préparé par notre préparatrice en chef Alice. Alors, nous allons accueillir Christopher, 25 ans de Rouen. Bonsoir Christopher. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Salut. Bonsoir Christopher, bienvenue dans Love in Fun. Tu es chaud ce soir? Super chaud. Très bien, tu fais quoi dans la vie Christopher? Je travaille sur les voies ferrées. Ok, et Christopher ce soir justement tu as choisi un magnifique buzzer pour par rapport à ton métier, quel sera-t-il? Ouais. Tchou-tchou. Magnifique, quel beau buzzer. Le chouchou du train. Ah, qui fait rêver tous les enfants à Noël. Chouchou. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Mais Christopher, en attendant, ce sera ton buzzer. Qu'est-ce qui se passe, Christopher? Oui. C'est toi qui souffles dans ton téléphone? Ah non, c'est Jason, ton concurrent. Jason qui s'échauffe. Bonsoir Jason. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Jason, t'as 21 ans et t'es à Montpellier toi. Exactement. Jason, quel sera ton buzzer ce soir? Jason Derulo. T'as l'air un peu essoufflé, tu t'es branlé? Ah non, quand même pas. Ok, non mais voilà, je pose la question. Généralement, on est un petit peu essoufflé. Nous, on vient de danser. C'est pour ça qu'on est un peu chaud par rapport à l'examen. Ah d'accord, mais il n'y a pas de problème. Pour toi, ce serait l'aboutissement de toute une vie, j'imagine. On peut dire ça, ouais. Ben voilà, et ben quelques questions. Et surtout... Beaucoup de réponses pour vous à donner. Il faudra buzzer dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Et si jamais il y a une mauvaise réponse, il y a toujours un droit de réponse avec la possibilité de buzzer. On appellera ça le contre-buzz. Voici la première question. D'après une étude, quelle est la position qui donne le plus de plaisir aux femmes? Oui, on t'écoute Christopher. La levrette. Aïe. Et non, Jason. Le 69. Eh non, mais non, enfin, pensée simple, pensée missionnaire, c'est vrai Doc. C'est aussi celle la plus pratiquée. 72% des femmes ont déclaré atteindre l'orgasme plus facilement avec cette position. C'est ton cas, Alice ? Tu fais partie de ces 72%? Franchement, ça dépend. Ça dépend du mood, mais un petit missionnaire, c'est pas mal. En fait, en général, l'avantage du missionnaire, c'est que finalement, t'as quand même un peu le clito qui frotte sur ton partenaire. Donc, ça rajoute des sensations. Voilà, rien ne vaut une bonne petite cuillère et touchage de clitoris. Petit conseil d'amis. Vrai ou faux, le pénis peut rapetisser de 50% en hiver. Ah, Christopher a été plus rapide. Vrai. Oui, c'est vrai. Lorsque la température est inférieure à 10 degrés, donc en ce moment là, le pénis peut rétrécir de 50% en longueur et perdre jusqu'à 30% de largeur. Putain, c'est fou ça. Un phénomène normal et naturel, puisque le corps est programmé pour conserver la chaleur et l'énergie en cas de grand froid. Il réduit le flux sanguin dans les mains, les pieds et le pénis. C'est voilà. Bien dit, c'est joli. C'est exactement ça, hein, putain. Je savais pas ça, Doc. Oui, tout à fait. Bah, c'est quand même un organe externe, et donc c'est fait exprès pour ça. Et comme c'est plein de petits muscles sur des vaisseaux, ça rétrécit. Et je rappelle que Doc a le plus petit pénis de l'équipe. Donc autant dire qu'en période d'hiver, ça doit être minuscule. Alors on continue avec cette troisième question. Combien, et en plus ce que j'adore c'est que Doc ne dément pas. C'est moi, on me dirait un truc comme ça, je dirais mais pas du tout, c'est faux. Mais voilà, mais ça c'est, voilà. Ça, c'est voilà. Mais tu pourrais dire que j'ai la plus grosse, je démentirais pas non plus donc. Ah ok, d'accord. Ah, tu te rattrapes. Combien y a-t-il là, au moment où on parle, de rapports sexuels en France? À chaque seconde, on parle bien à chaque seconde, combien y a-t-il de rapports sexuels en France? Chouchou, c'est Christopher. 180. J'ai oublié de donner les propositions. Bon, alors, voici les propositions. 57, 141 ou 215. Jason Derulo. Chouchou. Jason. 215. Bonne réponse de Jason. Il a été plus rapide, je suis désolé, Christopher. Vrai ou faux? Non mais attends, on va revenir sur ce chiffre quand même. 215 rapports sexuels à chaque seconde où on parle. C'est pas énorme, je trouve. C'est juste la France. Ouais, c'est juste la France. Mais dans le monde entier, c'est... Cassim trouve que c'est pas mal. Ouais, oui. J'aimerais bien être en train de baiser, par exemple. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, ça ferait 216, du coup. Vrai ou faux, un homme a poignardé sa femme parce que son omelette n'était pas cuite. Ouais. Vas-y, Christopher. Oh. Jason ? Vrai ! Bravo Jason ! Ah, il est fort ce Jason ! Et oui, fou de rage, parce que l'omelette n'était pas cuite, il a jeté l'assiette pleine sur sa femme. Cette dernière s'est alors saisie d'une spatule en fer et a frappé son mari à la tête. L'époux s'est emparé d'un couteau à viande et a pourchassé sa femme dans les escaliers avant de la poignarder à l'avant-bras. La victime s'en est tirée avec 3 points de suture et 5 jours d'ITT. Voilà une histoire véridique. Moralité, Alice. Moralité, bah ne faites pas d'omelette quoi. Voilà, c'est exactement. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, bah, et celle-là aussi, on l'accepte. On y va pour une nouvelle question. Combien font 101 moins 12 ? Ouais, vas-y, Christopher. 89. Oh ah, putain, alors là, il a été super rapide. T'as été super rapide. Vrai ou faux, Doc était le commandant du Titanic lors de son naufrage ? Jason. Ah, alors là, je vais demander à notre huissier de justice. Jason, je crois. Jason, donne ta réponse. Faux. Absolument. C'est faux. Il s'agissait de son arrière-grand-père, Edward John Smith Pavaggio. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté hein, dans ta famille, je crois, Doc. Hein. Je ne sais pas. J'ai vu que tu avais des photos de lui dans ton appartement, celui que tu partages avec ta voisine. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des points, s'il vous plaît? 3 points pour Jason et 2 pour Chris. Merci Alice. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je trouve que tu comptes super bien les points. Je mets des petits bâtons. Ouais, tu fais ça super bien. Je te félicite vraiment. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup, j'essaye d'être rigoureuse. Bravo. Christopher, face à Jason, vous êtes prêts? Une nouvelle question. Oui. En moyenne, combien de jours consacrons-nous au sexe au cours de notre vie? 3 propositions. 10 jours, 30 jours ou 50 jours? Et je dirais même... Je dirais même, avant que Jason nous donne sa réponse, qu'à titre de comparaison, on passe quand même 3 ans de notre vie aux toilettes. Alors, est-ce que c'est 10 jours, 30 jours ou 50 jours ? 30 jours, pardon. 30 jours pour toi, Jason, c'est une mauvaise réponse. Christopher ? La deuxième réponse ? La deuxième réponse, c'était 30 jours ? Ah, donc la troisième. La troisième. La troisième, c'est 50 jours, c'est ça que tu nous dis? Oui. Oui, c'est une bonne réponse. 50 jours de sexe dans toute notre vie, soit beaucoup moins que le sommeil. Hein. On passe 25 ans de notre vie à dormir, ça fait flipper. Et à rire, 115 jours. Mais en écoutant Love in Fun, on peut monter cette moyenne, hein, bien sûr. On fait un petit récap des points, parce que j'adore entendre la voix d'Alice. Mais en fait, là, j'ai eu un petit problème. Qui est-ce qui a gagné le point, là? Il y a eu un point pour Christophe. Ah bah voilà, c'est bien ce que je me disais, j'ai mis à Chris. Alors, 3-3. 3 partout, ce sera la dernière question. Musique de suspense. C'est le suspense. Sur 100 personnes, combien ne pratiqueront jamais l'échangisme? Et c'est le plus proche de la bonne réponse qui va gagner. Sur 100 personnes, combien ne pratiqueront jamais l'échangisme? Quelle est ta réponse, Christopher? 60 personnes. 60 personnes. Jason, tu dis 48. Quoi? 48. La bonne réponse, c'était 89. C'est Christopher qui gagne ce soir. Bravo Christopher. Christopher reste seul. Oui. Forcément. Et t'as eu une petite crise là? Qu'est-ce qui s'est passé Christopher? Non. On t'a perdu, c'est l'émotion. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'émotion. Et ben voilà, Christopher, c'est le diplôme Love in Fun, parce qu'on est fiers de connaître quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Et puis bien sûr, le méga super pack Love in Fun. Jason, désolé, tu redoubles, Jason. Ouais, malheureusement, ouais. C'est pas la première fois que tu redoubles en plus, toi, hein. Si. T'as jamais repiqué une seule classe dans toute ta scolarité? Si, la sixième, c'est vrai. Tu vois, t'es un menteur. Je le savais. J'ai un œil sur vous, les amis. Hein. Il a les dossiers. Mais bien sûr, je connais la vie de chacun des auditeurs. Voilà. Jason, je suis désolé, mais tu repars quand même avec ton pack Love in Fun. Et félicitations à Christopher. Vous revenez quand vous voulez, les amis. Gros bisous. Merci beaucoup, l'équipe. Salut. Gros bisous. Dans un instant sur Fun Radio, à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, on va en parler justement avec nos amis de Rose Carpet. Hein. On est en partenariat avec eux. Il y a un hashtag non harcèlement, et on va en parler avec Alma, 18 ans de Toulouse, dans un instant. T'es là, Alma? Oui. Bonsoir, Alma. Salut. Salut à toi. Bonsoir. On est très content d'être avec toi au téléphone. Tu vas nous parler de quoi dans un instant, Alma? Bah en fait, au bahut, on me surnomme la salope depuis que les photos de moi a fuité. D'accord, et voilà, c'est les fameuses photos, et des photos parfois très intimes et qui sont partagées par la personne qui l'a reçue, et on n'a pas le droit de faire ça. On va en parler dans un instant, Alma, avec plein de réactions. Et voici Dua Lipa sur Fun Radio. To you. ready, baby. Think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. Think I'm electric, baby. So electric, baby. La voix de Dua Lipa, juste énorme. Silk City, Electricity. 01 42 48 5000. Love Fun. De 22h à minuit, avec Karel, Alice et Doc Pavajo. Sur Fun Radio. C'est nous, le trio de choc, tous les soirs sur Fun Radio. Oh, c'est ringard. Putain, t'imagines, c'est... Hello tout le monde, c'est le trio. J'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être à la maison, voilà, à la cool, devant le PC. Il y en a qui jouent, il y en a qui font l'amour aussi, on l'a vu, hein, en écoutant l'émission. Il y en a qui sont aussi tranquilles sur les routes. Beaucoup qui nous écoutent aussi en voiture. Et vous êtes pour la plupart chez vous, là, à la maison. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez bien raison d'écouter Love in Fun. Ici, on apprend pas mal de choses et on parle surtout de tout et sans tabou. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale puisque c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et s'il y a bien une émission, il faut en parler. C'est bien dans Love in Fun. En plus, on est en partenariat avec ceux qu'on aime beaucoup et qui parlent de toutes ces choses-là. Qu'on diffusait d'ailleurs une vidéo que j'ai vue et qu'on a également partagée sur nos réseaux sociaux. Ce sont nos amis de Rose Carpet. Il y a un hashtag d'ailleurs que vous pouvez partager, qui est le hashtag non au harcèlement. Tu peux nous parler de cette vidéo, Alice? Alors en fait, c'est une campagne qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui va justement beaucoup parler à Alma, qui nous appelle par rapport à ça. C'est l'histoire de Cassandre qui parle avec un mec avec qui elle flirte bien et il lui met un peu la pression en lui disant bah, prouve-moi les choses, prouve-moi que j'ai raison de patienter avant qu'on aille plus loin ensemble. Et elle décide de lui envoyer une photo d'elle un peu dénudée. Et en fait, dans cette vidéo, on voit finalement ce qui se passe lorsqu'une photo comme ça est propagée, parce qu'une photo c'est personnel et ça ne se partage pas, et encore moins dans tout l'établissement, donc surtout au niveau scolaire, dans vos bahuts, parce que les conséquences sont souvent dramatiques. Ah bah ouais. Donc allez voir cette campagne, on vous l'a mise en avant, que ce soit sur l'Insta Story de Love in Fun ou même sur le Facebook, et elle est disponible sur YouTube, sur la chaîne de Rose Carpet. Alors moi j'ai vu la vidéo aussi, franchement c'est assez choquant quoi, de voir tout ça, et c'est exactement ce que tu es en train de vivre, Alma, là, en carrément, ce moment à Toulouse. Donc, tu as bien fait de nous appeler. On était très heureux d'avoir ton témoignage ce soir, parce que justement, on va essayer de trouver des solutions pour toi. Tu as 18 ans, Alma, tu es à Toulouse. Et en ce moment, on te surnomme la salope. C'est ça, en fait. En fait, lors d'une soirée, j'ai rencontré un mec du lycée. On a discuté et puis on s'est embrassé durant la soirée. Et puis, on a les mêmes délires. Donc, je me suis dit qu'on allait être en couple bientôt. Et il y a quelques semaines, il me demande de lui envoyer une photo. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris une photo du miroir où il y avait mon avant-bras qui cachait mes seins, mais j'étais en string et je lui ai envoyé ça. Ouais. Et le lendemain, tout le monde avait cette photo. Putain. Alors, tout le monde. Comment t'as vécu ça? T'es arrivé au bahut et là, c'était quoi? C'était des regards, ouais, c'était des rires, c'était quoi? C'est des rires dans les couloirs, c'est des salopes, c'est des bruits chelous, enfin, c'est des gamins, quoi. Et c'est pas cool. Et tu lui as parlé? J'ose même pas. Ouais. J'ose même pas. Je vais lui dire quoi à ce con? Sur le moment, tout de suite, aller le voir directement, dire pourquoi t'as fait ça. Non, je suis rentrée dans les toilettes et je me suis cachée. D'accord. Qu'est-ce que tu penses, toi, pourquoi il a fait ça? Son motif? Je sais pas, je pense pour impressionner ses potes. Ouais. Wow. Oui, c'est pas, ça. En fait. Genre, je me la pète, regardez, je reçois des photos de meufs dénudées. Il voulait s'en vanter, en fait, tout simplement. Donc, c'est totalement ridicule. Mais t'as l'air d'être quand même assez forte, toi, par rapport à ça. Parce que tu dis, c'est des gamins. T'as pas l'air de te comporter en victime, en tout cas. Même si t'es victime de la situation, t'as l'air d'aller de l'avant, quand même. Bah, j'ai de la chance parce que je suis en terminale, donc l'année prochaine, je les vois plus, ces gens. Ouais, ça, c'est carrément. Donc, ça, c'est déjà ça. Après, oui, je suis isolée, mais c'est pas bien grave. Et en soi, moi, j'avais des potes. Et elles m'ont dit, j'ai pas envie de traîner avec la salope du lycée. Oh, et moi, j'ai pas forcément envie de traîner avec des gens qui me parlent comme ça. Avec donc, une photo où finalement, on voit pas tes seins, tu caches tes seins. En plus, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Je suis toujours... j'ai rien fait. Ils réagissent comme ça, comme si tu avais décidé finalement de faire tourner cette photo-là à tous les gens, comme si j'ai envie de me montrer à poil auprès de tout le monde, alors que finalement c'est eux qui te font ce genre de réputation et de popularité, alors que c'est juste un échange avec un mec en qui t'avais confiance, quoi. Mais t'aurais dû avoir une conversation avec ce mec-là. Rien entendre. Ils veulent même pas me parler. C'est même personne veut avoir ma version des faits, rien du tout. C'est juste, il y a une photo, ils veulent faire leur intéressant et ils veulent me critiquer. Ils veulent faire des petits bruits là dans les couloirs à deux balles. Tu sers de bouc émissaire, hein, ça, c'est évident. Voilà, tu es celle qui... Bah, en fait, je suis la blague du lycée, quoi. Ouais. Genre, le mouton noir. Ouais, exact. Le bouc émissaire, c'est vraiment ça. Mais en fait, il faut savoir que psychologiquement, ça les renvoie à ce qu'eux pourraient être. Voilà, simplement, comme toi, t'as envoyé une photo, et même si t'as rien fait, ça vient parler de leur côté salaud ou salope. Hein. Et donc, évidemment, ça fait haro, parce que c'est un côté d'eux qu'ils peuvent ne pas aimer, ou d'elles qu'elles peuvent ne pas aimer. Et toi, tu vas servir de bouc émissaire, tu vas payer pour tout le monde. Voilà, pour tout le côté salope de tout le monde. Parce que tout le monde a ce côté-là en soi. Et c'est pas en plus parce qu'on envoie une photo à quelqu'un une fois qu'on l'est. Enfin, le jugement moral derrière ça, il est quand même gigantesque. J'assume la photo en soi. Oui, oui. À ce moment-là, ça me faisait plaisir de l'envoyer. C'est juste lui, le con, il a fait un truc pas correct. Et puis après, les gens, c'est des débiles, quoi. Alors, comme disait Alice et Doc, t'as l'air assez forte, mais Alma, tu sais que quand ça arrive, ça, il faut pas hésiter à en parler. Hein, il faut pas rester au lycée. C'est important d'aller voir le CPE, je crois. Ouais. J'ai discuté avec un de mes amis qui est au ministère de l'Éducation nationale et qui me dit, dans ce genre de cas, il faut en parler aux autorités du lycée. Parce que c'est l'autorité publique, c'est la loi, c'est le cadre et c'est l'ordre du lycée. Et ça ne doit pas avoir lieu. Après, faut voir ce qui est faisable et pas faisable. Et puis ensuite, tu peux aussi porter plainte parce que ça s'appelle, ça ne se fait pas. Hein. Alors je sais pas en France quelle est exactement la législation. Je sais qu'en Allemagne, aux États-Unis, en Israël, il y a une loi contre le revenge porn. En France, je sais pas exactement où ça en est. Il faudrait qu'on cherche. Mon avis, c'est condamné de toute façon, parce qu'on n'a pas le droit de partager comme ça des photos qui sont privées, hein, clairement. Et de toute façon. On n'a pas le droit de le faire, clairement. Et c'est valable pour ceux qui nous écoutent et qui reçoivent une photo et commencent à se dire, tiens, je vais la partager. Pensez aussi aux conséquences que ça peut avoir. Déjà, soyez contents de recevoir une photo. Moi, j'en reçois pas une seule en ce moment. Hein? Non, mais c'est vrai. Au-delà de la blague, franchement, méfiez-vous, quoi, vraiment. Et puis pensez aux conséquences que ça peut avoir parce qu'il y a eu des drames. Il y a eu des gens qui sont décédés, qui se sont pendus, qui se sont suicidés à cause d'une petite photo, d'un petit selfie comme ça, quoi. Et d'un acharnement, en fait. C'est surtout l'acharnement qui va derrière. Le bouc émissaire, et ça va jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Et effectivement. Là où je suis étonné, c'est quand même, t'es en terminale, autant au collège. Tu vois, c'est pas que je comprends, mais c'est le collège, quoi. Donc tout prend encore plus de sens. À 18 ans, t'es quand même majeur. Enfin, ça va, quoi. Tu vois. Ils sont immatures. Elle a tout à fait raison quand elle dit que c'est des enfants. Ils sont immatures. Alison, notre auditrice du soir, tu viens d'entendre le témoignage d'Alma là, qui vit en ce moment une sale période là. C'est pas évident, hein, mais elle est forte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? T'as déjà connu ça, des choses comme ça, des photos qu'on circulait dans ton bahut, des réputations qui se sont faites à cause de ça? Non, pas trop. Nous, c'était bon quand il y avait des photos qui circulaient comme ça, ça restait quand même très discret. Mais moi, si je peux donner un conseil, c'est quand on veut envoyer des photos un peu dénudées, alors il faut pas mettre sa tête. Déjà, c'est la base. Bien sûr. Si on voit pas la tête, alors déjà ça minimise le risque, quoi. Bien sûr. Et bon, après, c'est vrai que c'est franchement pas cool de la part du type d'avoir fait tourner ça, quoi. Il y a aussi autre chose qu'on peut faire, Alma, pour prochaine fois, t'as fait confiance. Alors évidemment, c'est que toi, tu fasses peut-être confiance moins facilement. T'as peut-être été un peu de naïveté. Et puis sinon, quand quelqu'un te demande une photo, parce que là, de ce que j'ai entendu, t'as dit, il t'a demandé une photo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, s'il te demande une photo, toi, tu lui en demandes une aussi. Tu dis, ok, je t'en envoie une quand tu m'en envoies une. Et là, tu vois, ouais. S'il le fait pas, parce qu'après, s'il joue au bashing, t'as le même argument. Donc, en général, ça calme. Et puis, tu vois, si là, la photo, il la veut vraiment. Alma, tu vas rester avec nous. Il y a beaucoup d'appels au standard au 01 42 48 5000. Je vous donne quand même le numéro de téléphone. Hein, voilà, si vous voulez parler à des professionnels qui sont justement formés pour vous aider dans ce genre de situation. Et il y en a peut-être une qui est concernée là actuellement comme Alma par ça, c'est le 30-20. Restez avec nous, on a plein de témoignages qui vont arriver, notamment Gwendal qui a carrément été renvoyé du collège avec une histoire de dingue. Vous bougez pas, on en parle, on continue sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour réagir. Et on va revenir avec Lud et Missing You, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Nouveau son dans la playlist Fun Radio. Sound of Legend. Benny Blanco. Les meilleures nouveautés démarrent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short walk. Just for a short walk. It's going to be a fine. It's going to be a sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Restez bien avec nous puisque nous sommes jeudi soir et le jeudi soir c'est Zap de Coco. Ah, nouveau Zap de Coco. Tu peux nous dire un petit peu de quoi on va parler dans le Zap de Coco ou pas? On va parler de toi, Karel. Ah ouais? Le tout premier dossier sur toi, l'inspecteur Coco est de retour. Ah oh, putain, merde. Ça y est. La semaine dernière c'était Doc. Là c'est moi qui vais prendre. Je rappelle que Coco revient sur une semaine d'émission et voilà, c'est un petit peu les meilleurs moments. En tout cas, c'est ceux sélectionnés par Coco. Hein, ne nous en voulez pas. On va continuer de parler avec Alma. Elle a 18 ans, elle est de Toulouse. Elle nous a raconté son histoire de harcèlement scolaire. Elle est en terminale. Elle a envoyé une photo, voilà, un petit peu dénudée, les bras sur les seins. Hein, et puis, t'étais en culotte, c'est ça, Alma, hein? Oui, c'est ça. Et c'est une photo qu'il a largement partagée dans le bahut. À tout le monde. Et bah là, en ce moment, t'as une sale réputation à cause de ça. On te traite de salope. On a eu l'occasion d'en parler déjà avec toi pour essayer justement de trouver des solutions pour que ça s'arrête. Hein, parce que c'est ça le harcèlement. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et pour que ça s'arrête, il faut en parler, Alma. Ça, c'est évident. On a Gwendal qui est avec nous, qui a 18 ans, qui est de Nantes, qui a vécu le harcèlement scolaire. Bonsoir, Gwendal. Bonsoir. Salut. Salut, Gwendal. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, toi? Bah moi, c'était des mecs en milieu de troisième. On était en sport. Et ils avaient cramé une poubelle dans les vestiaires. Ouais. Et puis le prof, il est rentré et puis il a demandé qui c'était. Ouais. Et ils m'ont tous accusé. Et puis moi, pour pas me faire représailler par les autres, j'ai dit que c'était moi. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah ensuite, j'ai eu un conseil de discipline. Ouais. Malgré que certains gars m'ont défendu, la directrice, elle a pas entendu raison, je me suis fait virer définitivement. Tu as été viré de cours? Carrément, du établissement, carrément. D'accord. Et tu as continué de te faire harceler ou pas? Bah, après, non. C'était la solution, de toute façon, il fallait en parler, quoi. T'as dû changer de. Ouais, j'ai dû changer de collège. Ouais. Et avant qu'ils disent que c'était toi justement le coupable, celui qui avait cramé la poubelle, t'étais déjà harcelé ou pas par ces gens-là? Oui. D'accord. C'est quand c'est répétitif. Quand c'est répétitif et que c'est tout le temps plus de 2-3 mois, on considère que c'est du harcèlement, hein, Doc. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il faut quand même un petit peu un moment. C'est-à-dire que malheureusement, si ça dure 2 jours, c'est pas du harcèlement. Parce que des fois, on taquine. Bien mais sûr. La limite, c'est toujours ça. C'est toujours le problème de la limite. Mais il y a un moment donné où non, quand tu veux plus et que ça s'arrête pas, ça s'appelle du harcèlement. Quand tu dis non et qu'il continue, c'est... Ah là, c'est aussi de l'injustice, hein, Gwendal. Enfin, je veux dire, pourquoi t'en as pas parlé à tes parents? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas défendu? Pourquoi est-ce que t'as... Enfin, je veux dire, si c'est pas toi qui avais cramé la poubelle, c'était pas à toi d'être viré du bahut, quoi. Bah, parce que dans cette période-là, vu que j'étais harcelé, j'étais tout le temps sur la défensive avec eux. D'accord. Du coup, bah, ils avaient pas confiance en moi, du coup, ils ont rien dit le jour du conseil, donc. Et tu t'en es sorti comment, alors, de ce harcèlement? C'est en changeant de bahut que ça s'est arrêté? Ouais, j'ai rencontré des gens. Dans un autre collège, plus près de la ville, et puis ça s'est mieux passé pour moi. Et puis, j'en garde toujours des séquelles, mais ouais, bien sûr, parce que c'est pas anodin hein, et que ça marque des harcèlements comme ça. Ça veut dire que toi, tu t'es accusé, hein, c'est ça, toi-même, ouais. Pour oui. Justement qu'ils ne t'en rajoutent pas toi par-dessus la tête, ces gens-là. C'est ça. C'est ça. Et ouais, c'est tout le problème de quand t'es harcelé, tu te culpabilises. Et pour éviter d'avoir plus de problèmes, tu dis bon, ok, je vais tout prendre sur moi, voilà. Et... Ouais, j'ai vu une vidéo d'un artiste hein, qu'on connaît, qui est Mika, hein, voilà, qui participe notamment à The Voice, un chanteur, et il explique justement dans cette vidéo quand il était plus jeune, il avait été harcelé et il se faisait traiter de PD, de pédale, toute la journée, et ça l'a profondément marqué, et c'est aussi pour ça qu'il en parle là maintenant, pour que les gens prennent conscience, enfin vous qui nous écoutez, si vous êtes harcelé là en ce moment, que vous preniez conscience que c'est pas normal et que vous pouvez vous en sortir, quoi. Oui, d'abord on peut s'en sortir et puis surtout faut d'abord aller en parler. Faut en parler aux référents, faut en parler aux profs, faut en parler au CPE, faut en parler à la direction de l'établissement, faut en parler à la police, voilà, et aux parents, et il faut en parler au maximum de gens. Bon, évidemment, c'est pas toujours facile parce qu'on a peur. Et justement, honte. Ouais, voilà, c'est ça. On a peur, on se culpabilise, on a honte, et du coup on le fait pas. Alma qui entend tous les témoignages. On va aussi accueillir Élise, 22 ans de Bourges. Bonsoir Élise. Salut tout le monde. Salut Élise. T'as entendu l'histoire d'Alma. Déjà, qu'est-ce que tu penses de son histoire à Alma qui a envoyé une petite photo comme ça à un mec qu'il a ensuite partagé partout dans tout le bahut. Et maintenant, on la traite de salope dans le bahut. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Élise? Bah, je trouve ça clairement dégueulasse de la part du mec. Bien sûr. Enfin, je sais pas, quand tu demandes une photo comme ça, déjà, ça se demande pas de base, ça doit être spontané. Et la moindre des choses, c'est justement, c'est la confiance, donc qu'il ait fait ça, c'est vraiment, enfin, ouais, c'est dégueulasse. Mais qu'il avait déjà une idée en tête, quoi, donc bon. Ouais, c'est ça, après, enfin, ouais, faudrait vraiment qu'elle en parle, parce que c'est pas normal qu'elle reste comme ça, reclue, alors qu'au final, c'est la victime, quoi. Élise, qu'est-ce que tu as eu, toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors moi, en fait, j'ai été harcelée sexuellement au collège. C'était un mec qui était plus vieux, qui venait d'arriver dans le collège, que j'avais rencontré dans l'été. Donc on était potes et tout, mais plus ça allait, plus il commençait à me toucher, à me faire des avances, mais vraiment me déplacer et tout ça. À te toucher, c'est-à-dire et te toucher où? Au niveau des seins, au niveau des fesses, de l'entrejambe. Et toi, tu réagissais comment? Je le repoussais, mais du coup, lui, ça l'excitait encore plus, donc il insistait jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui passent ou quoi, il arrêtait tout. Ouais. Et le souci, c'est que le mec habitait pas loin de chez moi, en fait. Donc, on faisait tout le temps le même chemin pour aller au collège. Et c'est devenu, est-ce qu'il a défoncé mes volets, il a essayé de rentrer chez moi. Mais non, c'est un malade, le mec. Il est parti très loin, ouais. Un malade, et donc il a essayé il de... Il m'a coincé dans une ruelle, voilà, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pas violé? Il a failli, mais j'ai su répondre et taper oui au bon endroit, on va dire ça. Ouais. Et je me suis barrée en courant et moi il a vu que du coup je répondais plus, donc au bout d'un moment il a commencé à s'en prendre à mes potes. Qu'est-ce qu'il a fait? Du coup moi là j'ai pété un câble et puis j'ai commencé à en parler et donc il est passé en conseil de discipline. Mais t'en as parlé à qui en fait? J'en ai parlé à la CPE du collège. Voilà. J'en ai parlé à la CPE, quand il a été convoqué, il est sorti de là, il m'a menacé de mort. Comme je vous ai dit, il me suivait, il faisait tout pour me faire peur, donc c'était assez compliqué pour moi. Et au final, conseil de discipline, il s'est même pas présenté au conseil de discipline, c'est sa mère qui s'est tout pris dans la gueule. Mmh. Et au final, il a été viré. Logique. On a porté plainte également contre lui, mais il n'y a pas eu de poursuite. Il n'y a pas eu de poursuite? Non. Mais il y a eu un vrai changement à partir du moment où tu en as parlé. Tout à fait. C'est ça en fait. Oui. C'est vraiment, ouais. Il faut en parler. Alma. Alma en plus, lui il est dans une situation où là, si toi tu en parles, si tu décides de porter plainte, si tu as envie d'aller au bout de ça, de cette cause, parce qu'en plus tu dis que tu n'as même pas le droit de réponse dans ton bahut parce qu'on n'écoute même pas ta version, mais lui il peut prendre vraiment vraiment cher dans cette histoire. Mmh. Et il va payer pour ce qu'il a fait aux yeux de la loi, quoi, tu vois. Parce que toi, tu peux pas rester dans cette situation-là en te disant, bon, dans quelques mois, l'année sera terminée, ou bon, je vais attendre que quelqu'un d'autre fasse une boulette et que ce soit la personne-là qui soit au centre de toute l'attention. Tu peux pas attendre là-dessus, surtout que tu n'as rien fait de mal, quoi. T'as juste eu un jeu de séduction avec un mec et c'est tout, quoi. Et le gars a juste été trop con et a voulu se vanter auprès de tout le monde et l'a fait tourner. Enfin, c'est ridicule. Il faut pas qu'elle refasse. Mais est-ce que je pense qu'elle a compris. Je pense que surtout pas. Oui, Alma. Je pense qu'avec tout ce que j'ai entendu, je pense que je vais en parler avec mes parents pour voir, parce que ça peut aller loin. Et du coup, je vais en parler avec mes parents et on verra si de quelle manière on va procéder. Bien sûr, il faut en parler des adultes. Seul, donc, comme ça, ils viendront avec moi pour voir le CPE et si on porte plainte et tout officiellement. Bah oui, ouais. J'ai juste encore une question, Alma. Est-ce que tu l'avais un peu refoulé, ce mec-là? Genre, il y a eu cette photo, mais après, il a voulu aller plus loin, il t'a demandé une autre photo et tu l'as refoulé. Est-ce qu'il y a un moment où tu lui as mis un peu un stop qui fait qu'il aurait très bien pu, justement, pour se venger parce que son ego avait pris un coup, balancer cette photo comme ça? Pas vraiment, parce que moi, je pensais qu'on allait être en couple. Donc, du coup, moi, j'étais... Ok, donc c'était gratuit. Manipulée, mais ouais, c'était... Voilà. Il t'a presque manipulé. Oui, on dirait qu'il t'a manipulé. C'était prévu, quoi. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être... Parce qu'il me plaisait vraiment, et il me plaisait vraiment. En fait, ce que j'ai compris du truc, c'est que si je lui envoyais pas la photo, et bah, il voudra pas de moi. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai envoyé la photo. Ouais. Et la prochaine fois, n'agis pas comme ça. Ouais, tu vois, je te dis, c'est un brin de naïveté. Bon, voilà, ça t'apprend effectivement, certainement, à faire plus attention au prochain. Il y a autre chose qui me semble important aussi, c'est quand même qu'il faut l'arrêter, celui-là. Voilà, il y a toi. Bon, ça, toi, tu te dis, oui, ok, bon, bah voilà, l'année prochaine, je serai plus avec eux, ça va passer, c'est sûr. Mais en attendant, il peut y en avoir d'autres aussi. Donc, bon, je sais que c'est pas toujours évident de se dire, on pense aux autres, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ce mec-là s'arrête. S'il le fait avec toi, certainement qu'il le fait avec d'autres, et qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Ça doit servir d'exemple. Ton cas doit servir d'exemple à tous les gens qui sont autour de toi, tous les gens qui sont dans le lycée. Ça doit leur faire comprendre que non, ça ne se fait pas. Et on s'arrête parce que c'est une question de droit, hein, et que ça ne se fait pas. Sinon, il y a la justice. Bon, de toute façon, Alma, on va garder le contact, hein, comme on le fait souvent dans cette émission. Tu nous as dit que tu allais en parler à tes parents, donc bon courage, Alma, hein, et vraiment, n'aie pas honte de toi. Hein, personne va te juger, au contraire, ils vont essayer de t'aider, de t'accompagner pour que ça aille mieux et pour que ça s'arrête. D'accord, Alma? Ouais, merci beaucoup pour les conseils. Il n'y a pas de problème. Et je rappelle, hein, le hashtag non au harcèlement sur Twitter. Et puis surtout le numéro de téléphone. Hein, vous aurez des personnes qui pourront également vous aiguiller, hein, au 30 20. On t'embrasse fort, Alma. Prends soin de toi et tiens-nous au courant. Merci. Bonsoir. Salut Alma, ciao. Bisous à toi. Salut. Dans un instant sur Fun Radio, on va se faire le zap de Coco. Vous bougez pas, Coco qui revient sur une semaine d'émission. On va se marrer avec Coco dans un instant sur Fun Radio. Et j'espère que ça va être un bon zapping. On appellera ton papa ou pas? Oui, on l'appelle. On appellera le Clo-Clo, le papa de Coco, pour savoir s'il revient la semaine prochaine. Et on écoute Lud. Or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you. Can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. We'll be right back.

The soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. Diplo, La Brand, c'était Audio sur Fun Radio. In. Du sexe, de l'amour et du fun. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Retrouvez-nous sur Instagram. D'ailleurs, on vous a mis un petit post en Insta Story pour que vous puissiez participer au 48 heures Love in Fun, l'événement où on va directement chez vous, dans votre ville, pour faire votre connaissance, pour passer 48 heures avec vous, faire des activités aussi dans votre ville. Et si vous voulez vous inscrire, vous allez sur l'Insta de Love in Fun et vous pouvez mettre votre numéro de téléphone avec votre ville en numéro sur l'Insta Story de Love in Fun. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur nos Insta. Moi, c'est Karel Fun Radio avec un K comme Kayak. Hein, c'est vrai. Kawasaki. Hein, et toi, Alice, c'est quoi toi? Moi, c'est Alice tiré du bas Fun Radio avec un A, quoi, comme Alice. Voilà, tout à fait. Moi, avec un K comme Kiwi et Kevin. N'hésitez pas. On va accueillir Jessica. Vite, vite, vite, Jessica. On est là jusqu'à Hello. Minuit. Ça va, Jessica? Ça va et vous? Ça va super. T'as 20 ans, t'es à Paris. Exactement. Tout à fait. Alors, parle bien dans le téléphone. Parle bien dans le téléphone, ma chérie. T'es où là? T'es où là? Où? Là, je suis chez ma mère, chez moi. D'accord, non, mais c'est pour ça. Ouais, on t'entend bien. On dirait que tu chuchotes un petit peu, c'est pour ça. Ah, excuse-moi, attends, je parlais plus fort. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire. Jessica, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi, en fait, j'ai chopé le téléphone de mon frère. Et en fait, il écoutait de la musique un peu trop fort pendant qu'il prenait sa douche. Et j'avoue que j'ai fait un peu ma commère. Et en fait, je suis tombée sur des photos où, clairement, ouais, en fait, il portait mes fringues. Il était même, je pense, maquillé comme une fringue, en fait. Quelle fringue? Quelle fringue il portait? Il portait quoi comme fringue? Une robe. Donc, c'est pas comme si je pouvais louper ça. D'accord, mais après, qui n'a jamais mis les fringues de maman? Hein? Ouais, tu es seul? Non, je déconne avec ça, mais je sais. Alors, je vais te le dire. Je sais que Kassim, parce qu'on en a déjà parlé de ça avec Kassim, hein, il m'a raconté une époque où il était plus jeune et il mettait les robes de sa mère. Ouais, c'était marrant. Et du coup, je mettais pas de caleçon, donc du coup, j'avais les couilles à l'air. L'été, c'était bien. Non, mais pourquoi tu faisais ça, Kassim? Bah, c'était pour la vanne, c'était pour. Quand je tournais, ça virevoltait, j'étais bien, j'étais content. Ça virevoltait. Qui a déjà essayé de mettre un soutif de sa mère comme ça ou de sa copine pour déconner, pour rigoler Ah, Doc. Oui, pour carnaval. Ah, pour carnaval ouais, je faisais ça pour ma mère. Tu devais être belle. Je lui faisais un show. Je sais pas quel âge j'avais quoi, 6 ans, truc ouais, comme ça. Ouais, oh, bon, ça va alors. À carnaval, j'avais sorti ces fringues et je portais les fringues et j'ai fait un défilé. Voilà, retrouve les photos. Hein. Ah, non, il y en a pas. Ouais, Doc nous raconte ces défilés de mode à 6 ans. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Imaginez avec des talons et bon. Tout, ça devait être l'horreur. Ah, bah oui, forcément. Jessica, je ne sais pas ce que ça sous-entend, mais en tout cas, ça t'a un petit peu choqué, hein, on peut le dire. Ouais, carrément. Il faisait un selfie temps, c'est lui qui se prenait en photo parler. Pardon? C'est lui qui se prenait en photo lui-même? Je pense que c'était quelqu'un qui se prenait en photo, en fait. Enfin, je ne sais pas trop. D'accord. Alors, tu voulais tirer cette affaire au clair en l'appelant ce soir? Oui. D'accord. Et savoir s'il aimerait bien parler, peut-être l'aider à en parler à d'autres personnes. Enfin... Alors Jessica, je te cache pas qu'on t'entend très très mal ma chérie. Il faut vraiment que tu trouves une solution pour qu'on essaye de bien t'entendre, d'accord? Ok, est-ce que là ça va mieux? C'est pareil, mais appelons ton petit frère. Il est où là, dans la maison? Non, il est avec mon père, moi je suis avec ma mère. D'accord, donc tu parles bien fort et tu vas dire à ton frère que t'as vu qu'il utilisait tes fringues et tu vas lui demander pourquoi il fait ça. Ouais, carrément. C'est parti, merci. On appelle ton frère. Allô? Oui. Ah. Ça va? Allô? Ouais, ça va. Allô, tu m'entends? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi, m'appelé? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le père. Je suis le père. Ok, je voulais juste savoir si on peut parler un petit moment ensemble. Parce que, le choix de jeu, j'ai pris ton téléphone. Qu'est-ce que t'as à me déranger à cette heure-là déjà? Excuse-moi, mais là, j'étais tranquille. Tu veux me faire chier à cette heure-là? J'aimerais bien juste parler avec toi en fait, d'un sujet qui me semble un peu important entre nous. Oh putain, j'ai peur. J'ai pris ton téléphone. Clairement, j'ai pris ton téléphone. Stop. Déjà, t'as pris mon téléphone. Pourquoi tu touches pas à mon téléphone? Mais bref, je touche pas à mon téléphone. Bref, j'ai pas pris dans ton téléphone. Déjà, tu touches pas à mon téléphone, putain. Là, c'est très bien que j'aime pas que tu touches à mon téléphone. C'est comme ma paire de couilles, c'est personnel. Bref, j'en fous les gars, je suis sur des photos. Je suis tombée sur des photos, je suis sortie de France, et en fait, ça me fait rendre. Tout simplement, je suis partie voir et tout, j'avais ton téléphone, c'est tout. C'est pas la question, pourquoi tu portes mes fringues en fait? Enfin, c'est quoi ton problème? Ouais, mais déjà, est-ce que vous... Là, on en discute, je t'appelle pour en discuter. Ça va loin. Non, mais attends, et qu'est-ce que tu vas faire dans mes photos? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans mes photos? Mais attends, j'ai pas fait dans tes photos, si jamais tu... Imagine, j'aurais fait une sex tape ou un truc comme ça. Non, mais déjà, non, ça va trop loin. Et donc, qu'est-ce que t'as vu dans mes photos? Parce que tu m'as tellement soufflé que je t'ai pas écouté. J'ai vu que tu portais mes robes et que t'étais habillée en femme, en fait. Mais t'as fumé ou pas, là? Non, pas du tout. Mais je sais ce que je vois encore. Je reconnais mes fringues, surtout que c'était mes fringues à moi, quoi. Enfin, c'était ma robe. Donc, Non. Tu peux pas nier. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, hein. Non, mais j'ai carrément... Enfin, bref, j'ai la photo aussi dans mon téléphone, donc il n'y a pas de problème pour que je te la remonte. Je sais très bien ce que j'ai vu. T'avais pas à toucher à mon téléphone. Un téléphone, c'est comme une paire de couilles. Ça se touche pas. C'est personnel. On avait compris, Kenzo. Bonsoir, Kenzo. Bonsoir. Bonsoir, c'est Karel. T'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun avec Doc, avec Alice. Salut. Salut. Ah, mais ma soeur, c'est vraiment une salope, hein. Ouais, et toi t'es un petit con, hein, ferme ta gueule. Alors Kenzo, sans déconner. Non, et ça va, traiter sa sœur de salope, j'aime pas ça. J'attends rien du tout. Kenzo, on est en train de parler là avec ta sœur, qui te pose une question. Arrête de faire l'enfant, hein, Kenzo, t'as 16 ans quand même. Elle nous a appelé pour nous dire qu'elle avait trouvé des photos. Alors je sais que priori, ton appareil, enfin ton téléphone, c'est comme ta paire de couilles. En attendant, elle est tombée dessus. Elle a vu que tu cachais tes paires de couilles avec ses jupes. Hein, donc elle aimerait avoir une explication pourquoi tu disposes de ces vêtements, voilà, et pour te prendre en photo. Elle juge pas en plus. Elle s'en fout. Elle veut juste savoir. C'est juste comme ça. Elle s'inquiète peut-être. Voilà. Elle se pose une question. Non, c'est tout. Elle s'inquiète. Elle peut s'inquiéter. Je suis pas gay. Je suis pas trans. Tout va bien dans ma tête. Non mais il y a aucun souci. Je veux dire, c'est pas là le problème. C'est pourquoi tu utilises ces vêtements. Pourquoi tu. Ça me dit rien les photos et. Voilà, mais je vois pas. Bah, elle a la preuve, elle l'a la photo. Donc, Kenzo, on t'entend pas bien. La peine de. Hein, faut assumer à un moment donné. Tu l'as fait, il n'y a rien de grave à ça. Non. Ça arrive, ça peut être un jeu, c'est drôle, voilà. Ça, tu l'as fait une fois, deux fois, dix fois, on s'en fout. Moi, j'ai fait des photos avec ta blouse, Doc. Pas de problème. Il n'y a aucun jugement moral là-dessus. J'étais à poil en dessous, d'ailleurs. J'ai donc bien porté les fringues de ma mère, donc bon, hein, pourquoi pas. Voilà. Ça pose pas de problème. Donc, il faut déculpabiliser, il n'y a rien de honteux. C'est juste, elle veut une explication, elle s'inquiète. Bon, c'est ta sœur. Non, moi, je voudrais avoir une explication pourquoi on va faire du commérage sur mon téléphone. Déjà, c'est ça qui me. C'est pas des commérages, mais pas du tout. Mais imagine, par exemple, j'étais avec ma copine, je filme une sextape et tu tombes dessus, ça aurait été aussi gênant que ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas foutre dans mon téléphone, tu vois. Bah, il trouve que ton téléphone était là aussi. Hein. Le son était trop fort, il fallait qu'elle le baisse. Donc, bon, voilà. Certes, elle n'aurait pas dû fouiller. Elle n'aurait pas dû fouiller. On est d'accord. Mais un code, Kenzo. Mais j'ai un code. Oui, mais j'ai bon. J'ai mis mes empreintes. Non, mais comment elle le sait ? Écoute, Kenzo, on s'en fout. On s'en fout de ton téléphone. Ce qu'on veut juste savoir, c'est pourquoi t'as pris des photos avec les fringues de ta sœur. Tu peux répondre à cette question ? Au lieu de dire qu'elle n'avait pas fouillé dans mon téléphone ? Bah non, mais j'ai pas envie d'y répondre en fait, c'est ça qui me. Moi je veux juste savoir en fait, je veux savoir si t'aimerais bien en parler ou peut-être qu'on en parle, je sais pas, peut-être avec maman, si t'es à l'aise, enfin, peu importe. Et il a raccroché, oh il est super vexé, oh, il est chiant ton frère. Ah, non, bah, je crois qu'il veut pas en parler avec ma mère. Hein. Ah bah bien sûr. Ah, oui, non, ça, avec ta mère, ça je pense que c'est sûr que non. Non bah, déjà alors. Pas avec toi, donc a priori. Bon, alors, ce qui est sûr, Jessica, c'est que, à mon avis, il est pas prêt de retomber sur tes fringues. Mais à ta place, je ferai attention aux petites culottes, hein, parce que tu sais, les petits frères des fois, ils utilisent des petites culottes de leur grande sœur pour les sentir. C'est peut-être lié à l'âge, je sais pas trop. Oui, c'est certainement la poussée hormonale. C'est pas pour rire. Hein. Non mais voilà. T'as dit quoi, Jessica? J'ai dit ça, c'est pas pour rire, je pense, hein, par contre. Ah, la poussée hormonale, non, ça c'est pas pour rire, il a 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, ça pousse, donc on explore, on va chercher, on va voilà, voir ce que ça fait, peut-être. Ça peut, bon, c'est pas grave, on passe à oui, autre chose. En voilà. Plus, voilà, on n'a pas jugé quoi que ce soit. Et... Il fait sa vie. Exactement, mais bon, j'aurais bien aimé savoir pourquoi il le faisait. Ouais, et il n'a pas voulu le dire. Non, hein, il n'assume pas. Il n'assume pas du tout. Alors que Doc, lui, assume totalement hein, son côté efféminé. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça, bah, avec ma barbe. Ouais. Bah, Jessica, tu nous tiens au courant, en tout cas, si jamais tu as des news et tout, on te reprendra à l'antenne quand tu auras le fin mot de cette histoire, d'accord? En tout cas, merci beaucoup parce que vous m'avez vraiment aidé à déjà le calmer, pouvoir peut-être avoir une meilleure discussion avec lui. Bah, j'espère en tout cas. Gros bisous, Jessica. Salut. Salut Jessica. On a une question à la con pour finir l'émission là ce soir. Top, c'est parti à la question. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Oui, bonjour Baptiste. Bonjour l'équipe, vous Salut. Allez bien? Ouais, hey, Baptiste, t'es un petit peu pompette toi, hein? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ça va? Oui, très bien. J'avais une question à la con. Il est génial, Baptiste, je l'adore. J'avais une question à la con. Allez, vas-y, Baptiste, on t'écoute. Les filles disent souvent on s'en bat les couilles. Mais pourquoi ils ont pas de couilles? Ah non mais c'est pas possible, tu peux pas. Non mais c'est pas ça le concept de la question à la con. Ça c'est une question de merde. C'est même pas une question à la con. Baptiste. Oui, j'en ai une autre. Oui. Vas-y Baptiste, c'est une deuxième question pourrie. Vas-y. Pour Alice. Oui, pour Alice. Je t'écoute. C'est gênant, c'est pas obligé. Est-ce que les règles sont tabous pour toi? Pardon? Est-ce que les règles sont taboues? Bah viens, oui. Je te montre le fond de ma culotte, tu vas voir si c'est tabou. Ouais, bah tu sais qu'avec Alice, t'auras toujours de la répartie, mon gars. Hein, tu... Baptiste, pourquoi tu aimes les femmes qui ont leurs règles? C'est pas tabou dans cette émission, en tout cas. Hein. Ah non, on en parle. Y a rien de tabou ici, Baptiste. Non, mais c'est pas ça. C'est que je trouve que sur les réseaux sociaux et dans la vie en général, oui, les filles en font beaucoup un tabou. Ah, eh ben non, pas ici en tout cas. Non. On en parle librement. C'est ça, et de moins en moins, parce que justement ce soir on parlait de Rose Carpet. Elles ont publié récemment quelque chose par rapport à ça, justement, par rapport aux règles, au fait que les filles en parlent de plus en plus. Et on voit de plus en plus maintenant de photos un peu choc comme ça, de filles qui sont en train de dormir avec une tache de sang dans le lit et tout. On en parle parce que les règles, bah voilà, c'est humain, c'est naturel, et ça arrive quand même très régulièrement. Hein. Bah donc, voilà. Voilà. Mais c'est pas mon cas. Hein. C'est pas ce que je veux dire que je trouve ça tabou. Hein. Mais bon, tu dis les filles machin sur Instagram, c'est vrai que rares sont les filles qui se disent oh bah tiens, je vais prendre une petite photo de mon tampon ce matin pour dédramatiser la situation. C'est vrai que bon, c'est pas trop le délire non plus quoi. Enfin, pas trop. C'est pas ça, c'est normal d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que les filles cachent ou parlent autrement de leurs règles. Oui, pour vous préserver ou vous hommes fragiles et vulnérables à ce sujet. Voilà. Eh hey, Baptiste. D'accord, ok, mais c'est pas une question de honte ou pour cacher le fait que... Bah, honte de quoi? D'avoir la possibilité d'enfanter? Non, je pense que tout le monde est assez d'accord que c'est pas une honte, c'est plutôt un honneur. Bien sûr, c'est pour ça que les femmes ont leurs règles. Parce que vous allez me dire que c'est pas correct ce que j'ai fait, mais j'ai déjà été sur des forums. Oui. Féministes. Tu me fais peur. Vas-y, mais... Sur Internet. Oui, continue. Et il y avait marqué... il y avait des filles qui avaient honte... du bruit de l'emballage de serviettes. Ah oui, mais tu sais, bon, moi je préfère largement déballer un tampon que lâcher une petite crotte dans des toilettes, quoi. Tu vois, enfin, le bruit d'un déballage de tampon, c'est un papier, quoi. Dans ces cas-là, j'ai honte à chaque fois que je bouffe des chips. Tu vois, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, quoi. On peut avoir honte de tout, hein, évidemment. On a répondu à tout, je crois. Ouais, là, merci, hein, Baptiste, pour ces précieux, ces précieuses questions. Avec plein de questions, finalement, Baptiste. Donc... Il avait des choses à dire. Oui, mais pourquoi? Oui, c'est fort. C'est Alison qui va terminer l'émission. Alison, qui est avec nous depuis 22h. Vas-y, ma chérie, si t'as un truc à dire, dis-le maintenant. Oui. Ou tais-toi, jamais. Ben, moi, je vous remercie. J'ai passé deux super bonnes heures. Continuez comme ça. Vous êtes trop chouettes. Et je fais une grosse dédicace à mon gros Lopez, à mon Dieu et puis à ma cousine qui m'écoute et à tous les Vendéens parce que j'adore la France. Salut la Belgique. Gros bisous. Si on aime beaucoup les Belges. Gros bisous. Pour nous appeler de la Belgique, 00 33 1 42 48 5000, tous les soirs dans Loving Fun. Et nous, on va se retrouver dimanche soir 22h minuit pour une nouvelle soirée. Et on va laisser la place à une émission exceptionnelle ce soir, Party Fun, avec Adrien Thomas. Yes. Et un invité ce soir, Adrien. Ouais, ce soir, je suis rarement seul dans cette émission. C'est vrai. Bien inviter des talents, alors français la plupart du temps, parce que je suis un homme chauvin, comme vous savez. Bravo. Et donc ce soir, je vais vous présenter Hazard. Vous l'avez peut-être découvert cet été, puisqu'il a mixé à l'Electric Park avec Tony Romera. Ils avaient fait la closing, tout en douceur. Comme ce soir, voilà, grosse émission jusqu'à 1h du matin en direct. Eh ben génial, bah profitez bien. Yes. Party fun exceptionnel ce soir avec Adrien Thomas et Hazard au platine. Bonne nuit tout le monde et on se retrouve dimanche soir. Salut. Salut. Bisous. Ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. Discover a new sensation. A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y-F-U-N-P-A-R-T-Y. Party fun. Party Fun sur Fun Radio. Party Fun. L'invité de la semaine. Party Fun. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Minuit 3. super content de vous retrouver comme tous les soirs en direct dans toute la France pour Party Fun. Party Fun, c'est une émission où je mixe et c'est une émission où j'invite aussi des DJ. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir pour la première fois dans le studio de Fun Radio Hazard. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va extrêmement bien. Je suis très heureux de t'avoir ici. Alors, je pense que les auditeurs de Fun Radio t'ont découvert cet été, comme je le disais, à l'Electric Park, le festival. J'ai fait aussi un petit speak à Tomorrowland aussi. Ah oui, c'est vrai, cet été aussi à Tomorrowland, mais le mix, le vrai Hazard, exact. On l'a vraiment découvert cet été avec Tony Romero. On va reparler de tout ça. Déjà, j'annonce aux auditeurs, si jamais vous voulez poser des questions, parce que j'ai eu quand même pas mal de messages, c'est vrai que t'as quand même pas mal de gens qui te suivent, et de plus en plus, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, il va se passer encore des choses, exactement. On va en parler dans les prochains mois. Et donc, j'ai reçu pas mal de messages. Si vous voulez poser des questions ce soir, n'hésitez surtout pas, c'est votre émission, on est en direct. Alors comment faire? C'est hyper simple, il suffit de mettre le hashtag PartyFun. Voilà. Et puis, vous savez quoi, il y a le Insta aussi de Fun Radio. On va faire des stories. On va vous montrer ce qui se passe dans le studio ici. Et puis, si tout va bien, normalement, je vais mettre le Facebook Live. Vous allez pouvoir suivre. Tu pourras repartager aussi le live vidéo ici pour voir ce qui se passe dans le studio. Alors, si je regarde un petit peu, Hazard, on a ça. On a ce morceau qui a beaucoup été joué en festival. Ça fait 5 ans que c'est le top 3 morceaux joués à Ultra à Miami. Et c'est vrai quoi, quand on regarde les classements, il ressort toujours ce morceau quoi. Presque 10 millions là, je suis sur Spotify.